Ben, vous pouvez me rejoindre, Catherine et Alain. Merci d'être présents. Donc pour cette deuxième journée des soulèvements de la mer, donc je rappelle un petit peu qu'on est là. Nous, on s'est monté contre ce One Ocean Summit, ce sommet sur lequel on avait assez peu d'informations à la base. On en a toujours assez peu, même s'il y a un programme officiel. Et c'est drôle, hier, en discutant avec Mathilde Jounot, la réalisatrice, elle me dit, en fait, c'est un truc pour enfants. Et c'est vrai que quand on regarde le programme du One Ocean Summit, on dirait que c'est des conférences qu'il y a pour les enfants à Océanopolis. Et du coup, ce qui manque, c'est de parler des sujets importants. Et donc, c'est pour ça qu'on a convoqué Catherine, donc qui vient nous présenter son livre qui est paru il y a quelques mois à la Découverte, qui s'appelle l'imposture océanique. Et puis Alain, qui avait écrit il y a quelques années un rapport qui s'appelle Blue Charity Business, qui avait été un des premiers à parler du rôle des ONG dans l'accaparement, non pas des terres, mais de bandes côtières, de certaines parties des océans, tout ça sous des prétextes écologiques. Donc voilà, ça c'est des sujets relativement importants, et c'est vrai que quand on regarde le programme du One Ocean Summit, c'est des sujets qui sont pas abordés. Je voulais rappeler aussi que quand ce truc-là est arrivé, quand il a été annoncé, ça nous a paru extrêmement suspect tout de suite, puisque il y avait parallèlement à ça une espèce de focalisation du ministère de l'économie, du ministère de la transition sur la question des minerais. Ces deux ministères font depuis six mois une focalisation sur la question des minerais, sur la question de l'approvisionnement. Et le One Ocean Summit, il s'inscrit là-dedans. Si vous voulez, il a été annoncé une première fois pour désamorcer une polémique. C'était sur la question du moratoire de l'extraction des minerais en haute mer. Donc ça, c'était le 3 septembre où on demande concrètement à la France de se prononcer sur cette question-là. Et donc Barbara Pompili, ministre de la Transition énergétique, dit non, on se prononce pas là-dessus parce qu'en fait, on a quand même le deuxième domaine maritime mondial et peut-être qu'éventuellement on trouverait des minerais et ça serait quand même dommage de s'en priver. Et par contre, on va organiser un sommet dans les mois à venir. Donc c'est le sommet qui a la semaine prochaine. Quelques mois après, il y a un énorme plan de relance à 34 milliards d'euros où c'est une avalanche de milliards et de milliards pour la robotique, la génétique, la microélectronique, les centrales nucléaires, les batteries de bagnole, ce genre de choses. Et aborder la question des minerais, il y a quand même une dépendance à l'égard de la Chine, à l'égard de pays comme le Congo pour je sais plus quel minerai, si c'est le cobalt ou le nickel, je confonds à chaque fois. Et la France est dans une position paradoxale, c'est-à-dire que sur son territoire, il y a une dépendance aux questions énergétiques et de minerais, et en même temps, on a le deuxième domaine maritime mondial, et ça serait quand même intéressant de l'explorer et de voir ce qu'il y a à extraire. Et du coup, depuis quelques mois, il n'y a pas un jour sans qu'on parle du nickel, du cobalt, de la question des nodules polymétalliques. Cette semaine, dans Ouest France, il y avait un article sur une petite commune dans la baie d'Audierne. Alors apparemment, il y a énormément de lithium dessous. Et donc, depuis cette date, on fait que parler de ça. Et donc, c'est étonnamment suspect qu'en même temps, il y a un sommet comme ça qui n'aborde pas ces questions, ni la question de la finance bleue qu'ont étudié les deux intervenants. Donc c'est des sujets qui sont pas abordés à ce débat et pourtant qui sont les sujets les plus chauds. Donc finalement, ce qu'on fait là, c'est un peu le travail qui devrait être fait au One Ocean Summit, c'est parler de ces questions de finances, de ces questions d'extraction minière. Voilà. Donc je vais vous laisser vous présenter. Je crois que Alain, tu voulais commencer, mais tu voulais pas parler du Blue Charity Business. Tu voulais parler d'autre chose? Ah, parfait. Merci. La technologie moderne. Hein. Bien. Oui, donc, je m'appelle Alain Lesanne, je suis le co-président, puisque nous avons une tradition de parité dans notre organisation, le co-président du collectif Pêche et Développement. Je suis engagé sur les questions de la pêche et plus généralement dans les rapports Nord-Sud depuis presque 50 ans. J'ai les cheveux blancs et j'ai commencé quand j'étais étudiant comme vous ici, non pas à Brest mais à Rennes. Et donc il se trouve que on avait une difficulté avec Catherine, c'est que effectivement on avait à peu près des choses fondamentalement semblables à dire, donc il a fallu qu'on se partage un petit peu. Et puis je me suis dit bon, peut-être c'est intéressant de revenir un peu dans l'histoire. Je suis aussi historien, donc ça correspond bien également à une partie de mon approche. Donc vous racontez un petit peu ce qui s'est passé depuis une quarantaine d'années et de vous montrer qu'il y a en fait, pour ne pas être aussi dans une logique de désespérance, c'est-à-dire que de croire qu'il y a des forces qu'on nous a montrées ce matin et que on a évoqué tout à l'heure, qui sont dominantes, mais il y a aussi des mouvements sociaux qui sont en capacité de répondre à ces évolutions. Et quand on regarde en fait sur le recul, eh bien on voit que il y a en parallèle deux logiques de ce qu'on pourrait appeler le développement, même si c'est une notion qui peut être discutée. Il y a ces deux logiques qui se confrontent en permanence avec des interférences. C'est pas toujours aussi simple que ça. Mais voilà, je vais essayer de vous raconter cela parce que c'est aussi mon histoire personnelle, parce que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ces questions. J'ai été prof à Lorient et Lorient c'était à l'époque un port extrêmement florissant dans les années 70-80 avec dans les fêtes 80-100 000 tonnes débarquées chaque année, alors qu'on est aujourd'hui tombé aux alentours des 20 000 tonnes. Mais c'est une question qui m'a toujours intéressé. Mais en 84, dans différentes circonstances, je me suis retrouvé à assister à deux rencontres. La première, c'était celle de la FAO en juin-juillet 84. C'est la plus grande conférence qui a été organisée par la FAO sur la question des pêches. Elle a duré à peu près 10-15 jours. Il y avait 2000 personnes et c'était donc pour élaborer les stratégies de pêche à mettre en œuvre dans le cadre de la nouvelle organisation qui était mise en place avec la Convention sur le droit de la mer, Montego Bay, qui avait été adoptée en 1982. Et j'ai assisté à cette conférence pour une partie de ces rencontres. Ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'il n'y avait absolument aucun pêcheur. Donc on parlait du développement de la pêche, en particulier dans les pays du Sud, mais il n'y avait absolument aucun pêcheur. Il y avait essentiellement des représentants des secteurs de la grande industrie de la pêche qui étaient notamment, ils étaient très présents, c'était le secteur de la pêche minotière, c'est-à-dire les grands secteurs de la farine de poisson qui défendaient leur beefsteak, si on peut dire. Et donc, c'était assez étonnant de voir ce phénomène parce que la FAO disait, ben nous, on est représentants des États. Donc c'est pas les pêcheurs qui décident. Et il se trouve que à ce moment-là, à la fin des années 70 et au début des années 80, émergeait en Inde du Sud, dans un état qui s'appelle le Kerala, un conflit extrêmement violent, puisque dans les années en 1978, il y a eu 16 morts, des centaines de bateaux brûlés, des manifestations très très très violentes quelquefois, des occupations d'aéroports, de routes, de ports. Enfin, c'était un phénomène extraordinaire dont personne n'entendait parler et qui était lié à un phénomène qui était le développement d'une forme de pêche nouvelle dans ces zones-là, qui était le développement de la pêche crevettière. Parce que la crevette est un des grands produits du commerce international qui est très recherché, notamment dans nos pays à nous. Et donc l'Inde s'est lancée dans ce développement d'une pêche crevettière avec des chalutiers, et des chalutiers qui, évidemment, puisqu'ils pêchaient la crevette, venaient au ras de la côte et donc entrer en conflit extrêmement violent avec les pêcheurs traditionnels qui, eux, avaient de simples radeaux, ce qu'on appelait les catamarans, et qui étaient plusieurs dizaines et même au Kerala à peu près 100 000 pêcheurs sur la côte. Voilà. Et donc de là est né un mouvement qui était accompagné par des jeunes militants. Qui d'ailleurs étaient des militants de catholiques, parce que la plupart des pêcheurs de cette zone sont des pêcheurs chrétiens, et ça a été un élément important également, parce que ça a permis justement, à travers les réseaux catholiques, de mobiliser des pêcheurs dans le monde entier. Et donc les jeunes militants qui accompagnaient la création de ce mouvement des pêcheurs, qui s'appelait le National Fishermen Forum, le NFF, ont demandé à participer à la conférence de la FAO. On le leur a refusé. Et donc ils ont décidé de créer une conférence parallèle, et cette conférence parallèle s'est tenue dans des locaux d'une congrégation. Là, il y avait à peu près 80 personnes, et sur ces 80 personnes, il y avait à peu près la moitié de représentants de pêcheurs du monde entier, dont des pêcheurs bretons, et il y avait également donc des représentants des associations de soutien à ces pêcheurs, plus qu'un certain nombre de scientifiques. Donc, on voit là déjà l'émergence de deux approches de la question des pêches. La conférence de la FAO finalement va aboutir à la définition d'une politique qui va favoriser la pêche industrielle, y compris le déploiement des pêches mais qui existaient déjà, hein, c'est-à-dire qu'il fallait trouver un statut pour les bateaux européens, par exemple, qui travaillaient en Afrique. Et donc, on a mis en place la politique des accords de pêche, par exemple. Et donc, mais aussi le développement d'une pêche industrielle autonome dans ces pays, notamment dans ces pays du Sud. Donc, première stratégie. Avec des logiques qui sont des logiques de marché, des logiques de privatisation des droits, etc. Et puis la deuxième approche, qui était celle d'affirmer la priorité à une pêcherie artisanale. Et non pas simplement parce qu'elle avait une valeur sociale, ça représente des millions et des millions de gens, mais parce qu'elle avait aussi une valeur économique, elle représentait, et puis aussi une valeur culturelle. Et donc, cette conférence a élaboré un document, une déclaration qui est remarquable, parce qu'elle fixe les axes de ce que sont aujourd'hui les fondements de la défense d'une pêche artisanale. Et il y a aussi l'élaboration de concepts. Parmi ces concepts, par exemple, il y a le concept de fish worker. Alors, c'est un terme anglais qui a été choisi, bien sûr, parce que, justement, il permettait d'avoir un vocabulaire qui soit neutre, hein, pour indiquer une chose, c'est que la question de la pêche, c'était pas simplement la question de la capture et la question qui est en général dominée par les hommes, mais c'était aussi la question de tout ce qu'il y avait autour de la pêche, notamment la distribution, la transformation, etc., où les femmes sont très présentes. Et donc, ce mouvement voulait défendre non pas simplement le secteur de la capture, mais l'ensemble des gens qui sont engagés dans le développement de l'activité qui permet de nourrir et de donner du travail à des millions de gens. Voilà, c'est un il y a eu un autre concept qui a émergé à ce moment-là, c'est le concept de small scale fishery. Alors là, c'est aussi un terme qui maintenant est passé dans la, mais qui, tous ces termes-là sont des termes qui sont des termes anglais difficiles à traduire et c'est vraiment un peu une question difficile. Voilà, on est donc face à ces deux mouvements. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite à partir de ces années 84? Eh bien, de la conférence, contre-conférence, va sortir aussi un petit groupe qui s'est appelé ICSF, International Collective in Support of Fish Workers, SIAPA, Collectif International d'Appui à la Pêche Artisanale, qui a été formalisé en 1986 et à la demande de différentes des leaders indiens. Alors je peux vous donner les noms si vous voulez. Il y en avait un qui s'appelait, qui sont toujours des amis, c'est John, certains ici les connaissent, John Kurien, et puis une femme qui s'appelait Nalini Nayak qui a conceptualisé justement le rôle des femmes dans la pêche et qui dit ceci: si la pêche ne peut exister que si les femmes existent, parce que c'est une réalité qu'on sous-estime évidemment très souvent. Donc ce groupe auquel je vais participer pendant plus de 25 ans, c'est un tout petit groupe de 20-25 personnes, constitué à 80% de gens de pays du Sud, va travailler pour faire émerger, favoriser l'émergence des organisations de la pêche artisanale, leur permettre d'accéder aux organisations internationales où se définissent de plus en plus des politiques auxquels ils ne participent pas et dont ils sont exclus, et deuxièmement, faire reconnaître aussi par ces organisations l'importance et de donner la priorité à ces pêcheries artisanales. Donc, on va voir dans les 10 années qui suivent, notamment autour des années 90-92, bon, je pense que Catherine aura l'occasion d'en reparler. On va voir la montée en puissance de ces organisations internationales et de la définition des politiques internationales à travers différentes conventions. C'est d'abord la conférence de Rio en 1992 qui aboutit à la convention sur la diversité biologique, qui est un des lieux majeurs aujourd'hui où se définissent des politiques qui ont un impact sur la pêche, parce que c'est là qu'on s'élaborent les politiques de mise en place de réserves marines, etc., etc. Mais on va voir aussi la montée en puissance des ONG environnementalistes libérales. Il faut bien dissocier ce que sont des ONG associatives et des ONG qui sont essentiellement des lobbies. Et parmi ces organisations, on va voir émerger notamment l'une d'entre elles que on a analysée dans le rapport Charity, Blue Charity Business, c'est la fondation Pew, qui est une fondation issue des milieux pétroliers, qui a évolué et est sortie maintenant des investissements pétroliers. Mais ces fondations, Pew est à la fois une fondation et une ONG, c'est-à-dire qu'elle agit directement. Et il y a d'autres grandes fondations qui vont le donner également. Vous savez, c'est le résultat de la politique libérale de Reagan qui a entraîné l'émergence de fortunes considérables de gens très jeunes souvent, et puis qui, disposant de ces fonds, ont voulu les mettre au service de programmes environnementaux. Et je vais vous citer une phrase qui est quand même assez extraordinaire d'un des penseur de Pew, qui écrit ceci en 93: pour des sommes considérables, il est possible de modeler l'opinion publique, pensez, de mobiliser les électeurs, de faire des recherches sur les problèmes et de faire pression sur les fonctionnaires et les décideurs, le tout dans un arrangement symphonique. Tom Watten en 1993. Voilà. Et on voit tout de suite la puissance de ce mouvement, puisque dans les années 90, les Nations Unies prennent une décision qui est une décision sur l'interdiction des filets maillants dérivants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un filet maillant dérivant ? Ben, c'est un filet, mais comme il est posé, il n'est pas posé au fond, il peut dériver, et c'était une... il y avait des problèmes évidemment avec ces filaments dérivants parce qu'il y en avait qui faisaient une centaine de kilomètres qui étaient utilisés par les Japonais et il fallait mettre un petit peu de d'ordre là-dedans. Mais comme ces ONG vont toujours dans les choses les plus simples, hein, vous mettez une photo de dauphin sur un filet et puis vous mettez ça sur la place publique. Ça scandalise tout le monde. On est à l'époque de Flipper. On arrive directement à l'Assemblée générale des Nations unies qui interdit les filets moyens dérivants. Et évidemment, l'Europe applique ça. Le résultat, les organisations de pêcheurs étaient absolument scandalisées. Quoi, qu'ils disent, mais c'est pas possible de prendre des décisions comme celle-là, alors que nous utilisons ces filets maillants, qu'ils soient calés ou dérivant, c'est pas un problème, mais c'est une technique, c'est des techniques millénaires. Donc on interdit ces techniques millénaires sans prendre en compte les réflexions, les pratiques, les cultures des pêcheurs. Et donc cette décision est prise, et elle va avoir des conséquences catastrophiques chez nous en particulier, parce que c'était l'époque où se développait une pêcherie au thon sur ces filets maillants avec qui était réduit à 2,5 km, hein, en plein milieu de l'Atlantique. Ça n'avait pas des effets destructeurs considérables, mais ça permettait, c'était intéressant parce que ça permettait à des bateaux qui travaillent toute l'année normal, qui travaillent sur le reste de l'année, qui travaillent sur le plateau continental, ça permettait pendant l'été d'évacuer cette zone, d'aller au large, de laisser reposer donc les zones côtières. Et à partir du moment où on a interdit ça, il est resté le chalut pélagique. Bon, mais ils sont très peu nombreux, et donc l'essentiel des bateaux sont restés sur la plateau continental, et ça a contribué à affaiblir les stocks et à aggraver la crise qui a été majeure, hein, la crise des années 90, la crise des ressources, qui a entraîné d'ailleurs les grands mouvements que l'on sait en 1980. 13-94, parce que ces grands mouvements et ces grandes rencontres, ces conférences internationales se tiennent aussi dans un moment qui est ce grand moment de crise de la pêche. C'est 92, le moratoire sur la pêche à la morue au Canada, et puis chez nous, ici, 93-94, pour peut-être les plus anciens s'en souviennent, c'est les grands mouvements de pêcheurs qui ont abouti à la destruction du Parlement de Bretagne. C'était involontaire, mais c'était un des résultats de ces mouvements. Donc, voilà. Et puis, n'oublions pas, en 1995, la création de l'OMC, que l'on va retrouver, parce que l'OMC a commencé très rapidement, on le sait, à s'intéresser aux questions agricoles et alimentaires, et avait également l'intention de s'intéresser à la question de la pêche. Et on va y revenir. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le même moment? Eh bien, dans le même moment, en partie grâce à l'action de ce groupe d'ICSF, la FAO va changer de politique, partiellement. Elle reconnaît que en 84, elle a eu tort, et qu'elle doit reconnaître l'importance de la pêche artisanale. Ça, c'est un mouvement, c'est une décision qu'elle prend en 94, et elle décide de soutenir les organisations de pêcheurs artisans, et ça aboutit à une décision immédiate en 1995. Il y a une discussion sur ce qu'on appelle les stocks chevauchants. Les stocks chevauchants, c'est notamment les grands stocks de morue qui se trouvent, qui chevauchent la limite des zones économiques exclusives, qui sont les 200 000. Et donc la question se posait de la gestion de ces stocks qui sont à cheval sur à la fois les zones économiques exclusives et le large. Et la FAO soutient des rencontres internationales, notamment au Canada, pour permettre aux organisations de pêcheurs de participer aux discussions sur cet accord sur les stocks chevauchants. Et elles vont pouvoir y participer, donner leur avis et peser sur la négociation de cet accord. Donc l'effet est assez immédiat. Et lorsque ces organisations reçoivent les moyens de la FAO, parce que nous, ce qui se passait, c'est qu'à ICSF, on avait commencé aussi à organiser des rencontres internationales comme celle-là, à Lisbonne, aux Philippines, à Bangkok, etc. Mais les moyens de la FAO permettaient de faciliter ces rencontres internationales. Et de là vont naître l'idée de créer une organisation internationale de pêcheurs artisans. Cette idée, elle naît à New Delhi en 1997. Et en 97, donc la décision est prise de créer ce forum. Et on demande aux pêcheurs, il y avait des pêcheurs bretons qui étaient et français qui étaient présents à Delhi. Parce que d'ailleurs nous, en tant que collectif, on avait soutenu leur participation, et donc on demande en fait aux pêcheurs, c'était des pêcheurs bigoudins, on leur demande ça, on leur dit, est-ce que vous pourriez organiser la première rencontre officielle qui va définir ce qu'est les bases de l'organisation de ce forum mondial des pêcheurs. Ça a eu lieu en octobre 2000. Pour différentes raisons, on va pas rentrer dans les détails, il y a eu une scission, notamment grosso modo entre l'Inde, l'Asie et puis ce qu'on pourrait appeler l'Europe, l'Amérique latine et Amérique du Nord, Canada. Donc, mais ces deux forums, il y a un forum qui s'appelle WFF, World Fish Workers Forum, et l'autre c'est WFFP. Bon, ils ont rajouté People. Voilà. Donc ça fait ces deux mouvements existent. Bon, ils n'ont pas toujours les mêmes approches, mais globalement aujourd'hui ils travaillent ensemble et ils participent aux différentes rencontres, notamment avec à la FAO. Voilà. Donc c'est 2000, ces fondements. Et puis de l'autre côté, il y a tout le mouvement qui se crée autour des conventions de la diversité biologique, et puis la force des ONG et des fondations qui émergent. Alors, à partir de 2000, qu'est-ce qui se passe ? Et d'abord, il y a une première chose, c'est que à partir des réflexions d'ailleurs d'ICSF, mais aussi au sein des forums et au sein de la FAO, émerge une idée, c'est qu'il faut défendre la pêche artisanale sur une base qui n'est pas simplement la défense du poisson, mais c'est la défense des droits des gens, les droits humains. Et donc, les organisations de pêcheurs, ICSF, etc., vont demander à la FAO d'organiser une rencontre. Cette rencontre a lieu à Bangkok en 2008 pour définir les bases d'une politique des pêches fondée sur les droits humains. Et c'est à partir de là donc qu'émerge l'idée de créer des directives volontaires. Alors, c'est pas des conventions avec obligation. Mais ces directives volontaires permettent, à partir des discussions à la base, de faire émerger du droit pour protéger et valoriser les droits des pêcheurs artisans. Et donc, voilà, ces décisions sont prises, et en fait, le processus va s'enclencher et va aboutir en 2014 à la publication des directives volontaires sur la défense de la pêche artisanale. Il y a une femme à laquelle il faut rendre hommage, c'était la secrétaire d'ICSF, elle s'appelait Chandrika Sharma, elle a fait un travail colossal, elle s'est beaucoup épuisée, vous imaginez toutes les rencontres, les voyages, etc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle devait aller à l'une des dernières rencontres pour finaliser ses directives. Ça devait se tenir en Chine, et elle partait. Elle était dans le fameux avion de la Malaysian Airlines qui est parti en mer, on ne sait où, et elle a disparu. Donc quelques mois en mars 2014, c'était le 8 mars. C'est symbolique hein, comme date. 8 mars 2014. Et voilà, c'était quelques mois avant l'adoption officielle des directives volontaires sur la pêche artisanale. La FAO, les organisations de pêcheurs, lui ont d'ailleurs rendu un grand hommage à cette occasion. Voilà, donc ça, c'est un processus qui a fonctionné, qui a évolué, qui a créé du droit. C'est pas du droit qui descend du sommet, mais c'est du droit qui se construit à partir de la base. Alors c'est évidemment parfois difficile de confronter ce droit qui vient de la base avec un droit qui s'impose à partir d'instances internationales. Mais face à ça, qu'est-ce qui se développe? Ben, se développe toute l'idéologie autour de l'économie bleue. Parce que on se dit à ce moment-là que, y a un endroit qui s'appelle la frontière maritime. Voilà, des océans qui ne sont pas, exploités, qui ne sont pas mis en valeur. Hein. Et donc, y a là des ressources de toutes sortes qui sont intéressantes à valoriser. Et puis, vous avez des gens comme le WWF qui, par exemple, vont publier un rapport en disant « Mais la mer, ça représente 25 000 milliards de dollars. » Je ne sais pas comment ils ont calculé ça. Et donc, si ça représente 25 000 milliards de dollars, on doit pouvoir en tirer, bien sûr, des bénéfices. C'est le moment aussi où le WWF se définit comme... une organisation de conseil pour les investissements financiers et les banques. Hein, et ça, ils font ce texte-là avec des organisations comme le Boston Consulting Group, hein, avec le Crédit Suisse. Donc, on voit tout ce mécanisme de financiarisation de la mer qui se met en place. Ça se traduit par l'équité. Quota individuel transférable pour la pêche, et puis ça se traduit aussi par la recherche de la valorisation maximale de la mer. Et la valorisation maximale de la mer, c'est pas la pêche. Alors on vous explique très bien que un requin, si on le pêche effectivement, on peut peut-être le manger, mais que si on amène un touriste pour le regarder, il va rapporter 100 fois plus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de pêcher le requin et puis payer les gens pour le regarder, hein, ou pour le photographier, parce que c'est ça qui va rapporter. Donc c'est la promotion du développement touristique. Et donc on va dire si on crée une aire marine protégée, c'est beaucoup plus intéressant d'interdire la pêche et d'y amener les touristes parce que ça rapportera beaucoup plus. Donc on est sur des logiques qui sont des logiques, ce qu'on appelle les market-based policies. Hein, c'est les politiques basées sur le marché qui sont évidemment en confrontation avec les politiques basées sur les droits humains qui sont défendus par les mouvements de pêcheurs et puis les ONG qui les soutiennent. Parce que des ONG, il y en a des deux côtés, il y en a des deux types. Elles n'ont pas les mêmes moyens, hein, je peux vous garantir. Donc, c'est le moment aussi où les ONG donc vont relancer notamment le processus de l'OMC. Et en disant, l'OMC qui sait plus trop quoi faire parce que elle est bloquée sur beaucoup de ses décisions. Et là, l'OMC, on va lui donner un boulot qui est de définir pour 2030 la politique pour lutter contre la pêche illégale, qui est un réel problème. Et puis aussi pour supprimer les subventions à la pêche. Voilà. Donc, mais tous ces processus qui se développent autour de la Convention sur la biodiversité, de l'UICN, de l'OMC, les pêcheurs n'y sont absolument pas associés. Et si vous regardez le One Summit là, il y a pas de pêcheurs. Par contre, ils voulaient inviter Leonardo DiCaprio. Bon, d'accord, c'est parfait. C'est un grand défenseur des mers, hein, mais c'est pour s'acheter des îles pour aller draguer ses copines et puis aller sur ses yachts. C'est bien. Hein. Bon. Donc voilà. Donc on est face à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout ce jeu. Alors il y a un très bon texte de TNI là. Je vous le conseille aussi. Hein, c'est l'analyse de ces grandes stratégie des parties prenantes. Alors les parties prenantes, c'est la gouvernance. Bon, mais dans ces jeux, on met tout le monde sur le même plan, Sauf que sur le même plan, vous avez les banques, les sociétés d'assurance, vous avez les grandes multinationales des minerais, des pétroles, de autres. Voilà, ça c'est tout ça, c'est des parties prenantes. Hein. Et puis de temps en temps, on invite un pêcheur qu'on a financé pour ça, pour dire que ah bah oui c'est bien, mais bon, au maximum c'est ça. Hein. Bon, ici c'est même pas ça. Donc je voudrais terminer pour avant de passer la parole à Catherine, vous citez des passages d'une juriste qui s'appelle Nathalie Ross. C'est un peu long, mais ça dit bien les choses. Se proclamant représentative de la société civile et de l'opinion publique, qu'elle manipule en réalité d'autant plus aisément, rappelez-vous Tom Watten, via les nouveaux moyens de communication, il n'est pas neutre que la plupart de ces ONG environnementales plaident quasi exclusivement en faveur d'une conception des aires marines protégées, no-take, c'est-à-dire sans pêche, interdisant toute activité de pêche, mais pas forcément les autres usages industriels de la mer, ou touristiques. Hein. De par leur philosophie conservationniste, leur mode de financement, comme du fait de leur gouvernance corporatisée, qui n'est pas représentative mais cooptative, ces ONG sont le fer de lance du colonialisme bleu. Voilà un concept qu'il faut peut-être intégrer. Il y a Guillaume Blanc, un professeur d'histoire à Rennes, qui a développé le concept de colonialisme vert. Mais il y a aussi un colonialisme bleu. Au-delà de leur implication dans la création des AMP, elles sont en effet les acteurs d'une véritable gouvernance environnementale privée des océans en tant que gestionnaires directs ou indirects des AMP. Le colonialisme bleu n'est pas un colonialisme d'État, c'est un éco-colonialisme, le conservationnisme au service du tourisme et de l'accès aux ressources minérales. Et puis un autre texte, un tout petit texte de André Standing, qui est un des piliers de la coalition pour les accords de pêche équitable qui est à Bruxelles. La nouvelle génération des chefs de file de la conservation provient des milieux de la finance et du conseil, où les idéaux de la démocratie et de la délibération sont contre-intuitifs. Leur univers est caractérisé par la vitesse et le désir de triompher, donc on impose, de ces valeurs, et ces valeurs sont la dissimulation, la ruse, la compétition. Je crois que tout est dit. Donc face à ça, en conclusion, qu'est-ce qu'on a ? On a ce grand mouvement des grandes conférences qui nous parlent de la gouvernance, avec l'intégration des parties prenantes, bref, tout un grand baratin pour masquer l'absence de réalité démocratique. Et on a face à cela l'émergence d'autres mouvements qui sont des initiatives autonomes des pêcheurs, avec le soutien d'ONG parfois, et donc ça existe. Et donc, quand on regarde bien les choses, finalement, en Bretagne, il y a eu aussi des initiatives intéressantes qui témoignent de cette démarche, qui sont des démarches démocratiques, opposées aux démarches, je dirais, adémocratiques. C'est, par exemple, vous avez le parc marin d'Iroise. Voilà. Ce parc marin d'Iroise, il est ici. Il a été soutenu par des scientifiques, soutenu par des associations, mais il n'a pu se créer que parce que les pêcheurs l'ont souhaité appuyer et continuent aujourd'hui à être partie prenante dans le fonctionnement de ce parc marin d'Iroise. C'est une AMP, mais malheureusement, c'est une AMP qui aujourd'hui est fortement contestée par bon nombre d'ONG, par également des décideurs politiques, qui considèrent que parce que on y maintient la pêche, alors que elle est régulée, elle est contrôlée, il y a des programmes pour restaurer la langouste, des programmes pour gérer les algues, etc., etc. Donc, il y a des progrès qui sont réalisés. Évidemment, c'est pas du jour au lendemain qu'on rétablit ce qu'on pourrait imaginer d'idéal, mais on est dans un processus qui est un processus démocratique, un processus qui permet de gérer un environnement. Et c'est un, bon, il y a quelqu'un qui est ici qui nous a dit, c'est peut-être un modèle de parlement de la mer, et que c'est cette idée de parlement de la mer, c'est quelque chose qu'on pourrait élargir sur des dimensions autres, si on veut avoir une gestion qui est démocratique, qui soit une gestion de la mer. Je sais qu'on va parler de parlement de la mer aussi à l'écho machin là, mais au sommet des océans. Mais je ne sais pas si ce sera la même approche compte tenu de la préparation et de la façon dont cela fonctionne. Voilà. On a donc deux logiques. C'est pas joué. Hein. Et il faut voir que si on est vraiment capable d'agir, de soutenir des mouvements, et évidemment, c'est toujours, c'est pas facile, c'est conflictuel. On est face à des forces qui sont absolument considérables. Mais il y a aussi, il faut le voir, et en particulier dans les pays du Sud, et il y a des forces considérables qui sont décidées à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Si vous regardez bien une chose, il y a un pays qui risque de faire échouer l'accord sur l'OMC, c'est l'Inde. Parce que l'Inde ne veut pas de cet accord de l'OMC. Et pourquoi est-ce que l'Inde ne veut pas de cet accord de l'OMC? Parce qu'elle elle a des mouvements de pêcheurs qui sont extrêmement puissants, qui sont capables de faire des mouvements très forts si on leur marche sur les pieds. Regardez les paysans indiens aussi, ils ont réussi à faire modifier la politique de la proprietà. Donc, il y a des mouvements sociaux extrêmement puissants. Et comme par hasard, vous voyez, je suis parti de l'Inde et je retourne sur l'Inde parce que c'est peut-être là que va se trouver une des clés dans les jours qui viennent. Là, c'est des décisions qui doivent se prendre à l'OMC sur la question des subventions. Mais si ça fonctionne pas, ce sera peut-être à cause de ces pêcheurs indiens qui vont permettre aussi de préserver l'avenir des pêcheurs artisans dans le reste du monde. Voilà, je vous remercie. Il faut transporter le... Ah oui, il y a la bouteille. Donc, bonjour à tous, et merci Alain pour cet exposé qui montre en effet la manière dont finalement la démocratie est bafouée, et notamment en matière de politique climatique. Donc c'est effectivement le sujet du livre que j'ai écrit et qui est paru aux éditions La Découverte en octobre dernier, qui s'appelle L'imposteur océanique, voilà. Et donc, c'est notamment en lisant les travaux d'Alain que je me suis intéressée à la question. Donc, alors, qui suis-je ? Je suis journaliste, indépendante, et depuis de nombreuses années, je m'intéresse aux questions financières et la manière dont la finance grignote petit à petit l'intérêt commun, et comment les intérêts particuliers prennent le pas sur l'intérêt général. Et ça a commencé, cet intérêt-là, notamment en 2008, quand mes filles jumelles sont nées. Elles sont nées en pleine crise financière, et je croyais vivre dans un monde stable, et je me suis rendu compte que finalement, la stabilité du monde dans lequel je croyais vivre était mise en danger par les marchés financiers. Et donc, je me suis rendu compte que le destin de mes filles qui venaient de naître était intimement lié à la finance. Et je me suis dit, quand même, ce serait bien que je m'y intéresse pour comprendre le monde dans lequel je vis et dans lequel vont vivre mes filles. Et c'est comme ça que je me suis intéressée aux banques, aux gros groupes financiers. Et j'ai notamment écrit un bouquin qui s'appelle « Dexia, une banque toxique ». Je l'ai écrit avec un journaliste de Libération. C'est une banque qui a vendu des emprunts toxiques aux collectivités locales, donc des produits financiers toxiques qui vont à l'encontre de l'intérêt général. Et j'ai écrit un bouquin avec Denis Robert qui s'appelle « Les prédateurs ». Sur la manière dont deux milliardaires, un Belge et un Canadien, ont arnaqué les États français et brésiliens. Et je vous raconte ça parce que ça vous montre dans quel état d'esprit j'étais quand je suis retournée sur mes terres bretonnes, parce que j'ai beaucoup vécu à Paris, mais il s'avère que toute ma famille est originaire de la côte Bigouden, notamment à Pamar, donc à quelques kilomètres du port de Guilvinec. Et quand j'en ai eu marre du béton parisien, j'ai fait partie de ce qu'un copain a appelé la première vague d'immigrés parisiens qui sont venus habiter en pays Bigouden, parce qu'on maintenant on est rendu à la deuxième ou à la troisième avec la crise sanitaire. Et donc quand je suis arrivée devant la mer, je me suis dit mais est-ce qu'un jour la finance et les banquiers vont s'intéresser à la mer, à toutes ces richesses? Est-ce qu'elles vont faire main basse sur toutes les richesses océaniques? Et quand je me suis posé cette question-là, en même parallèlement, j'ai pris connaissance du travail donc d'Alain Le San et de Yann Giron, qui ont écrit un rapport qui s'appelle Blue Charity Business et qui montre comment les fondations et les ONG sont financées par des multinationales. Et je me suis dit, ça m'intéresse, les multinationales, je les retrouve là, intéressées à la mer. Et puis ce film de Mathilde Junot, qui a été, je crois, diffusé hier soir. Et enfin, je me suis rendu compte aussi que, quand moi j'étais gamine, donc ma grand-mère, elle travaillait sur le port de Saint-Guénolé, elle mettait le poisson en glace. J'avais mon arrière-grand-mère aussi qui vendait des filets et mon grand-père qui travaillait aux affaires maritimes de Guilvinec. Donc autant dire que j'ai quelques liens avec le milieu de la pêche. Et donc quand j'étais gamine, j'allais sur le port de Guilvinec et pour moi les marins c'était des héros quoi. Je les voyais arriver, qui jetaient leur caisse sur le bitume après des journées, enfin de la journée en mer, les vieux marins qui venaient les aider et puis ma grand-mère qui prenait le poisson, ce qu'on appelait à l'époque au cul du bateau. Et quand je les voyais, je trouvais formidable leur travail et je les admirais beaucoup. Et puis après, j'ai perdu ce lien avec la pêche à Paris. Et puis alors là, j'étais beaucoup plus perméable au discours des ONG qui disaient « Les pêcheurs, c'est des criminels, c'est eux qui dévastent les océans. Peut-être bientôt qu'il n'y aura plus de poissons. » Je me disais « Ah ouais, dis donc, ça craint. » Et j'étais vachement plus perméable à ce discours-là. Et quand je suis revenue en Pays Bigouden, j'ai fait une BD sur la pêche qui est parue dans la revue Dessinée. Et puis là, j'étais un peu la bobo parisienne qui débarque et qui a tout compris quoi. La surpêche, les chaluts et donc ces gens que j'admirais, je les regardais un peu en me disant en fait c'est eux qui dévastent la mer quoi. Donc ils sont un peu indéfendables. Et puis en fait, j'ai rencontré les hommes déjà qui habitent à mon enfance et puis j'ai rencontré des hommes qui luttaient pour vivre et qui défendaient leur métier et c'est pas facile et tu pars en mer, tu sais pas ce que tu ramènes, tu payes tes hommes, tu payes ton gasoil et des hommes aussi qui sont un peu en but avec les ONG et qui luttent aussi pour garder leur fierté. Et je me suis dit, je vais m'intéresser à ces fameuses ONG et la raison pour laquelle elles prennent les pêcheurs pour cible. Et ça a été renforcé par le fait que, en fait, depuis que je suis gamine, dans la région de Kériti, où j'habite, il y a des algues vertes que tout le monde connaît. Il y a cette fameuse BD d'Inès Leroy sur les algues vertes. Et puis, je me disais, les algues vertes, elles viennent du système productif agricole. Et donc, elles viennent coloniser les mers. Et donc, elles ont forcément un impact sur le stock halieutique. Et alors, donc, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est que les pêcheurs, alors que forcément, les algues, elles ont un impact sur les poissons, quoi. Donc, de où c'est que les pêcheurs? Bon, voilà. Donc, c'est un peu le point de départ de mon enquête. Et effectivement, aujourd'hui, les océans, ils subissent une double pression. Ils subissent une pression économique forte, puisqu'à travers mon enquête, je me suis rendu compte que depuis les années à peu près 2000-2015, les grosses industries s'intéressent à l'océan. Alors, déjà parce qu'on ont pillé toutes les richesses à terre, donc y a une planète à conquérir bien prometteuse qui s'appelle la mer. Et puis aussi parce qu'il y a des nouvelles technologies qui leur permettent d'y avoir accès, notamment accès aux fameux nodules polymétalliques dont on reparlera. Et puis évidemment, les océans, ils subissent une pression écologique puisque tout le monde sait que c'est notre pompe carbone et que, tout bêtement, les océans nous permettent de survivre. Donc voilà, tout est dit. Hein. Ils ont absorbé un tiers des émissions de gaz à effet de serre depuis les années 80. Donc là, c'est vrai que les océans, comme les marchés financiers déterminaient l'avenir de mes filles, bah, les océans également. Donc ça a renforcé ma conviction de m'intéresser à ce sujet. Et donc au fait que bah, cette double pression-là, pression écologique, pression économique, comment on fait quoi ? Eh ben, on va faire avec l'économie bleue, qui est ce fameux concept dont a parlé Alain, qui veut que on peut en même temps exploiter les richesses océaniques et en même temps protéger l'océan. Et là, je me suis dit, bah attends, comment on va faire ? Parce qu'effectivement, l'économie bleue, c'est le, quand on parle de jumeaux, bah c'est la jumelle du concept de développement durable, et on voit ce que ça a donné à terre, quoi. Alors, comment c'est possible ? En 2022, à l'océan machin, on nous parle d'économie bleue, alors qu'on voit depuis des années le désastre qui a terre le développement durable, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Alors déjà, est-ce que l'économie bleue, c'est bien la solution miracle qu'on nous vend ? Bon, alors bah, j'ai fait un truc très très chiant, c'est que j'ai lu tous les rapports qu'émet la Commission européenne depuis, enfin chaque année sur l'économie bleue pour savoir quelle était les compartiments économiques qui faisaient partie de cette économie bleue. Et donc, bah, il y a deux types d'activités. Il y a les activités anciennes, donc comme le transport maritime, la construction de ports, et puis le tourisme maritime et côtier. Donc, si on s'arrête sur le tourisme maritime et côtier, bah, déjà, d'une manière générale, le tourisme, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre, mais les navires de croisière sont très, très polluants, notamment, par exemple, si on prend The Symphony of the Sea, qui peut contenir jusqu'à 8000 passagers, qui a été construit à Saint-Nazaire, et qui a sur à son bord des piscines, une vague de surf, une patinoire, j'ai découvert, ah bon, d'accord. Et donc, en fait, si les navires de croisière ne représentent que 1% de la flotte marchande, ils représentent 25% des déchets. Donc, il faudrait m'expliquer en quoi est-ce que le développement du tourisme en mer peut protéger les océans. Et après, il y a toutes les activités nouvelles dans l'économie bleue, celles qu'on va nous vendre donc à l'océan machin, c'est que bah, c'est les énergies renouvelables. Donc on a vu tout à l'heure les conséquences que pouvaient avoir les éoliennes, notamment en baie de Saint-Brieuc, mais aussi les nodules polymétalliques, donc ils sont super importants au niveau stratégique, notamment avec évidemment la production de voitures électriques et des batteries électriques, puisque tous les composants des batteries sont extraits sont des minerais. Et donc l'extraction de ce minerai-là, eh ben, il va avoir des conséquences terribles qui vont notamment être la destruction de substrats sur lesquels les coraux vont vivre. Et il faut savoir que 50% des coraux ont disparu en 150 ans. Donc là, pareil, l'économie bleue et l'extraction de nodules polymétalliques, ça paraît pas très compatible. Et puis, l'économie bleue, il y a un truc qu'elle oublie totalement de prendre en compte en nous disant qu'elle va nous permettre de sauver les océans, c'est tout bêtement la terre. Parce que 80% de la pollution en mer, elle vient de terre. Donc, si on s'attaque pas au modèle de consommation et de production à terre, on n'a aucun espoir de sauver la mer. Et donc, dans mon bouquin, je me suis dit, mais comment est-ce que la terre contamine la mer ? C'était pas clair dans mon esprit. Et donc, bah là, je me suis appuyée encore une fois sur le savoir-faire et les savoirs des pêcheurs, et notamment d'un pêcheur télineur, donc qui pêche la téline en baie d'Audierne, et notamment à la Torche, que tout le monde connaît parce que c'est un spot de surf super connu, mais il y a aussi des télineurs là-bas. Et donc, il s'appelle Ronan Lecor. Et Ronan, en fait, ça fait des années qu'il voit qu'il y a une baisse de la natalité et une hausse de la mortalité de ces télines. Et il faut savoir qu'à la Torche, il y a du surf, mais il y a aussi des bubiculteurs qui utilisent énormément de pesticides. Et lui, ça fait des années qu'il se dit, mais ça se trouve, il y a un lien entre les pesticides et les télines. Et en même temps que je rencontrais Ronan Lecor, je prenais connaissance dans le télégramme local de là où j'habite que les ruisseaux de ma commune sont super pollués par des produits phytosanitaires interdit depuis quelquefois 2003 à des niveaux super élevés. Et donc, avec tout ce matériau-là, je me suis dit, bah, je vais quand même, parce que ça fait des années que les babyculteurs sont pointés du doigt à la torche, je me suis dit, avec ce matériau-là, je vais enfin réussir à faire le lien entre la babyculture et les impacts sur les tilines. Et en fait, c'est très compliqué à faire. Et j'ai même eu vachement de difficultés à trouver un scientifique qui accepte de regarder les analyses et de me dire ce que ça raconte. Et donc, du coup, je suis allée voir Pierre Molot, qui connaît très, très bien la question du plancton, et deux scientifiques de l'Ifremer, parce qu'en fait, le lien entre l'éthyline et les pesticides, c'est le plancton et le phytoplancton. Et ce qui se passe, c'est que les pesticides, ils vont favoriser le développement du phytoplancton toxique, ce qui fait que les téline, elles ont plus rien à manger et que donc elles ne peuvent pas survivre. Et non seulement ça, mais en plus, la toxicité du plancton va avoir un impact sur le développement des téline. Là, je me suis appuyée sur des travaux d'Audrey Baranger, qui a fait des travaux sur l'impact du diuron, qui est un toxique qui est notamment utilisé dans les peintures de bateaux. Et là, elle montre carrément que l'impact qui est utilisé comme pesticide, il a des impacts sur le développement des huîtres, et que ça peut même produire des dysfonctions sexuelles, et notamment des huîtres hermaphrodites, et aussi qu'elles transmettent leurs malformations aux générations d'après. Et donc là, avec tous ces travaux-là, on explique de manière assez factuelle comment est-ce que les produits phytosanitaires via le plancton peuvent avoir un effet sur les téline de Ronan Le Corre et le lien terre-mer. Donc l'économie bleue, si elle voulait bien faire son boulot, il faudrait qu'elle s'intéresse effectivement au système en fait de production intensif à terre. Et donc je me suis dit, mais comment c'est possible, comme je disais tout à l'heure, qu'en 2022 on croit encore à l'économie bleue alors que le développement durable, on a bien vu, était vraiment problématique. Et c'est là en fait où du local, j'ai fait au niveau international pour comprendre comment la politique climatique avait été construite. Et je me suis rendu compte que dès le départ, comme le disait Alain, les multinationales et le monde économique a eu des relations très fortes avec le milieu diplomatique climatique. Et dès le départ, en fait, dès les années 70, les multinationales, elles ont voulu influer sur la politique climatique. Et ça a commencé dans les années 70. Là, c'est un chercheur qui s'appelle Bonneuil, que vous devez connaître, qui a écrit un bouquin sur l'anthropocène, et qui montre que dès les années 70, en fait, Nixon aux États-Unis, il a voulu avoir des réglementations drastiques pour limiter la pollution des industries. Et il y a eu ce qu'on appelle l'environmental backlash, donc les multinationales qui se sont dit pas question qu'on limite nos productions, nous on va détricoter cette réglementation là. Et donc avec des avocats, des think tanks, ils ont détricoté la réglementation. Et ensuite ils se sont dit, mais non, on va pas se faire imposer comme ça des normes, nous on va contribuer à les produire. Et donc là, elles ont, dans les années 70-80, eu un rôle proactif, où elles ont voulu se mettre à la place de législateurs. Et elles ont commencé à développer une tactique pour influencer les réglementations. Et c'est assez intéressant. Donc là, je m'appuie sur des travaux de Grégoire Chamaillou, dont je vous conseille la lecture. Je vous dirai après le titre si ça vous intéresse. Et par exemple, dès 92, lors du sommet de Rio, donc qui est vraiment les origines de la politique climatique, j'ai découvert l'existence d'un couple dont j'ignorais effectivement l'existence. C'est le couple qui symbolise en fait la manière dont les multinationales et le monde économique a influé sur la politique climatique. C'est Maurice Strong et Stéphane Schmidheiny, donc personne ne les connaît. Mais Maurice Strong était le président du Sommet de la Terre en 1992. Et cet homme-là, en fait, j'ai découvert qu'il était un grand ponte de l'industrie du pétrole. Et qu'en fait, il avait fait toute sa carrière dans l'industrie du pétrole, notamment au Canada, et qu'il avait été choisi, et qu'il avait des visées diplomatiques, et il était le chantre de l'écologie en même temps, parallèlement à cette carrière. Et donc il avait été désigné pour être le président du sommet de Rio. Donc quand même, on peut s'étonner du fait que le président du sommet de Rio soit finalement un pétrolier. Et c'est étonnant, Et lui, en fait, il se disait, bah voilà, on va s'appuyer sur le multinational et le monde économique, puisque lui, il avait une visée libérale, pour nous aider à protéger la planète. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de l'aide à Stéphane Schmidheiny, qui, lui, était PDG d'une entreprise d'amiante. Et il lui a demandé, tu rassembles les 50 plus grosses multinationales, vous faites des réunions et vous me proposez vos solutions, quoi. Et ce qu'il a fait, Stéphane Schmidheiny. Et donc, au bout d'un an, toutes les propositions des multinationales, elles ont été éditées dans un livre qui s'appelle « The Changing Curse », et qui fait part de toutes les grandes, les grands principes que les multinationales veulent pour la politique climatique. Et c'est intéressant parce que quand on les lit, on se rend compte qu'elles résonnent beaucoup avec les accords de Paris. Par exemple, pas de réglementation contraignante. Laisser les entreprises tendre d'elles-mêmes vers le développement durable. Laisser faire les mécanismes de marché. Donner un prix à la nature afin que les acteurs économiques la prennent en compte. En gros, on voit l'influence que ce discours-là a eu sur les accords de Paris qui ont repris de manière globale cette démarche. Et non seulement ça, mais le groupe des 50 multinationales, donc là on parle de Dow Chemical, on parle de Mitsubishi, de Toyota, des grandes industries automobiles, elles ont donné naissance au plus gros lobby environnemental des multinationales actuellement aujourd'hui, qui s'appelle le WSCD, The World Business Council on Sustainable Development, qui ressemble 200 multinationales dans l'agroalimentaire, dans l'automobile, et qui porte en fait la voix des entreprises dans la politique climatique. Donc là, on voit bien la manière dont finalement le discours climatique, il a été complètement influencé, sculpté et s'entremêle avec la diplomatie environnementale au niveau international. Et à mon sens, dans le bouquin, et ça rejoint ce que disait Alain Le San, les multinationales, le monde économique, les banquiers, tout ça, ils se sont appuyés sur trois armes que j'ai appelées des armes de persuasion massive. Donc, les lobbies que sont le WSCD, qui sont les associations de multinationales. Donc là, je me suis appuyée sur les travaux de Niels Moussu, qui est un politologue qui a montré la manière dont ce lobby-là a eu un impact sur la politique climatique, notamment via la mise en avant de la neutralité carbone et de la compensation carbone. Donc ça, c'est la première arme de persuasion massive. La deuxième, c'est les fondations philanthropiques qui sont américaines, qui sont assez peu connues en France, mais très actives aux États-Unis et qui sont créées par des gros dirigeants d'entreprise, par exemple Gordon Moore ou Packard, qui après avoir fait fortune pour eux par exemple dans l'informatique, se disent « Ah bah attends, ce serait quand même bien de s'occuper de la planète ». Donc du coup, ils créent des fondations pour financer des actions pour protéger l'environnement, mais évidemment, eux, ils ont une vision libérale des choses, c'est des entrepreneurs. Et donc du coup, ils vont favoriser une vision de la politique climatique qui va être, on va dire, business-compatible. Et ensuite, il y a les ONG pro-marché, généralement d'origine américaine, comme WWF ou The Nature Conservancy, qui, elles, vont proposer une vision de l'écologie qui va être compatible aussi avec le modèle de consommation et de production actuel. Donc, tout ça donne lieu à l'écologie, en fait, qu'on connaît aujourd'hui, hein, celle qu'on nomme écologie. Mais moi, je trouve qu'effectivement, à travers l'exposé d'Alain Le San, on peut se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire que l'écologie, et est-ce que l'écologie qu'on nous propose, c'est une écologie démocratique et qu'on nous a soumise? Est-ce qu'on est d'accord avec cette écologie-là? Puisque l'écologie qu'on nous propose, c'est une écologie où on considère que la nature, elle est objectivée, c'est-à-dire qu'on n'en est pas dans la nature, nous. Nous, on considère que la nature, elle est là pour nous rendre des services écosystémiques. Et que donc, on n'est pas un tout uni avec la nature. On l'objective, on la met à distance de nous. Et quand on lit les rapports écologiques de WWF et de toute l'écologie qu'on nous propose, c'est la nature nous rend des services écosystémiques, donc on doit la protéger. Et pour rendre visible cette nature, l'écologie de marché nous propose de lui donner un prix, comme le disait Alain. Ce qui fait que donc les océans, mais pourquoi les protéger si leur nature est invisible? Alors WWF propose, on va calculer la valeur des services écosystémiques rendus. Et puis d'ailleurs, si on les calcule, alors les océans, c'est la 7e puissance mondiale. Donc, avec tous les services qu'ils rendent, forcément, il faut les protéger. Et on se retrouve avec la troisième chose, c'est que comme la nature, on la monétise, et ben la nature, on peut la rendre rentable. C'est-à-dire que si on la protège, elle va nous donner des sous en retour. Et donc la nature, elle est monétisée, elle est financiarisée, elle devient à la fois quelque chose que l'on doit protéger, un produit à protéger et un produit à vendre qu'on va découper en morceaux et qu'on va vendre ensuite sur le marché pour avoir un retour sur investissement. Et ça, c'est intéressant pour les financiers parce que, et c'est intéressant pour la politique climatique en général parce que on manque cruellement d'argent pour protéger la nature. Et donc, si la nature nous rend des services écosystémiques et qu'on peut avoir de la valeur, alors il manque 380 milliards de dollars selon l'OCDE pour protéger la nature. Si la nature, elle protège elle-même sa propre protection, c'est intéressant, ça veut dire que les États n'ont pas à s'en occuper et que, en fait, il y a une sorte de cercle vertueux qui va faire que comme on protège la nature, elle nous donne de l'argent, donc on la protège, on nous donne de l'argent, etc. Et là, c'est la porte ouverte à la privatisation de la nature. Et pour finir, de manière très concrète, comment est-ce que cette privatisation, elle se traduit? Par exemple, The Nature Conservancy a proposé dans la baie de Cancun au Mexique de créer une assurance sur le corail. C'est-à-dire que dans la baie de Cancun, alors là, c'est vraiment un raisonnement très intéressant parce que c'est complètement économique. C'est-à-dire que la baie de Cancun, elle est complètement juchée de grands immeubles, d'hôtels pour faire venir des touristes parce qu'il y a la plus grande barrière de corail au large de la baie de Cancun. C'est 9 milliards par an, je crois, dans mes souvenirs. Et The Nature Conservancy, ils sont allés voir les élus de la baie de Cancun et puis les industriels du tourisme en leur disant « Ah, alors dis donc, c'est un problème parce que la barrière de corail, elle vous protège. Or, avec les grandes tempêtes qui vont arriver de plus en plus, ça va détruire cette barrière de corail. Donc, ça va avoir un impact sur la protection des côtes et sur votre industrie. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de mettre de l'argent dans un fonds et quand il y a des grosses tempêtes, alors on puise dans ce fonds pour réparer la barrière de corail. Et donc là, on se retrouve avec un produit vendu par l'ONG dont l'argent vient de l'industrie du tourisme qui contribue à détériorer le corail pour protéger le corail, pour protéger le tourisme. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que c'est avec l'argent qui détruit qu'on protège la nature. Donc quand j'ai eu The Nature Conservancy au téléphone, je leur ai dit « Vous ne voyez pas une contradiction là ?» Et puis ils m'ont dit « Ah ouais, mais non, c'est quand même trop compliqué d'éradiquer le tourisme, c'est quand même beaucoup plus facile de protéger les coraux, donc nous on fait ce qu'on peut faire, quoi. » D'accord. Et en plus, l'ironie de l'histoire, c'est que qui est-ce qui chausse ses palmes et ses tubas pour aller réparer? Alors là, véridique, hein, c'est-à-dire que quand le fonds il a été débloqué en octobre 2020, dans mes souvenirs, et donc ce qui se passe, c'est que il y a des bénévoles qui vont en mer, qui récupèrent tous les petits morceaux de coraux et qui les recollent avec du ciment pour réparer la barrière de corail. Et voilà quoi. Tout ça pour protéger le tourisme. Donc c'est ça l'écologie qu'on nous vend aujourd'hui. De la même manière qu'on nous vend la neutralité carbone qui est promue dans le Green Deal et qui va permettre aux grosses industries polluantes, notamment pétrolières et celles qui fabriquent du ciment, de pouvoir continuer à produire tout en compensant leurs émissions. Donc là, c'est pas une limitation de leurs activités, mais leurs activités continuent et elles compensent. Et par exemple, les océans sont très très intéressants, j'en terminerai par là, pour cette économie bleue et pour cette écologie de marché, parce que les mangroves sont, et le phytoplancton, le phytoplancton c'est pas encore venu, mais ça va venir. Pour l'instant, c'est que les mangroves. Donc les mangroves, il faut les protéger. Et pour les protéger, comment on fait? On fait appel, par exemple, à Danone. Donc Danone a, par exemple, créé le plus grand parc de replantation de mangroves dans le delta du Saloum au Sénégal. Et donc du coup, ils plantent des mangroves qui vont capter du CO2 pour compenser leurs émissions. Donc là, on voit bien que quand on parle de colonialisme bleu, c'est-à-dire que ce sont des industriels du Nord qui viennent compenser leurs émissions dans des pays du Sud. Et non seulement ça, mais en plus... les pêcheuses d'huîtres, donc on en revient à la privatisation et l'accaparement de l'espace, les pêcheuses d'huîtres qui pêchaient là, et donc c'est hyper important pour leurs revenus, pouvaient pêcher au pied des mangroves, elles peuvent plus y aller parce que c'est privatisé, donc c'est fermé, elles peuvent plus y aller, quoi. Donc ça impacte la population locale. Et donc quand j'en ai parlé à l'ONG qui l'a mis en place avec Danone, qui s'appelle Oceanium, donc eux ils ont nié ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit bah ouais, bah nous aussi on se questionne sur le crédit carbone. Nous on se demande aussi si c'est pas hypocrite et si on va continuer dans cette voie-là, parce que ça effectivement ça permet aux gros industries de pouvoir continuer à polluer. Donc il faut faire très attention, hein, parce que la neutralité carbone, c'est ce qu'on nous vend et c'est ce qu'on va nous vendre One Ocean Summit. Donc pour conclure, ce que je voulais dire dans ce bouquin, c'est que il y a une, à mon sens, hein, mais je pense que peut-être que certains d'entre vous le partageront, il y a une sorte de hold-up du discours écologique et du discours climatique. Même moi, en commençant ce bouquin, je me disais ouais, la neutralité carbone, pourquoi pas. Et en fait, quand on décortique et qu'on voit d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on nous la propose et les conséquences que ça peut avoir, c'est absolument dramatique. Et donc, effectivement, c'est comme pour les pêcheurs, il y a des voix minoritaires qui vont remettre en question cette écologie-là, mais effectivement, on est peu nombreux. Et donc, à mon sens, il faudrait que l'écologie soit rediscutée pour qu'on questionne la notion de qu'est-ce que ça veut dire. Et qu'on remette en question le système de production et de consommation à terre et notamment la croissance, parce que si on revient à la finance, pourquoi, enfin je veux dire, la croissance elle peut être infinie puisque la finance elle permet de créer de l'argent de manière infinie, donc la croissance peut être infinie, sauf que comme tout le monde le sait, les richesses terrestres et océaniques sont finies. Problème. Merci. Avant de distribuer la parole, je voulais vraiment insister sur la conclusion de Catherine qui est super intéressante, parce que c'est vraiment ça qui va être en jeu, je pense, au One Ocean Summit. C'est t'as cité beaucoup de noms d'ONG, de personnes. Donc on voit, ça fait 40-50 ans qu'il y a un énorme lobbying, et que c'est pas simplement du lobbying, c'est des gens qui arrivent à rentrer dans ces conférences et à les faire et à faire écrire, à dicter des choses. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas la même chose pour le tabac, par exemple. On n'imagine pas qu'il y ait un congrès contre le tabagisme où on invite Philippe Maurice, on invite Marlboro, etc. quoi. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est de voir que à ces grandes conférences écologiques, on invite ceux-là même qui polluent. Et voilà, il n'y a pas d'autres sujets sur lesquels on pourrait faire ça. On n'imagine pas ça ailleurs. Et c'était intéressant de revenir sur l'histoire américaine, l'environnemental backlash, la façon dont les industriels ont construit un contre-discours au discours des militants écolos. Il y a eu tout un tas de tactiques. Il y a eu la décrédibiliser les gens, la controverse sur les polémiques, sur les seuils. Et c'est des trucs qu'on a réutilisés avec des gens notamment qui passaient, des scientifiques qui passaient de l'amiante au plus acide, au tabac. C'était à chaque fois, c'était les mêmes personnes qu'on retrouvait qui étaient spécialistes de l'amiante, du tabac, de la chimie, des OGM, etc. Et aussi dans l'environnemental backlash, il y a un truc intéressant, c'était les industriels se contentaient pas de contester ceux qui s'opposaient à eux, mais aussi ils faisaient des propositions positives parce que ils pouvaient pas se contenter de contester des régulations environnementales. Et donc dans les propositions positives, il y avait par exemple la mettre en place des mécanismes de marché. Donc il y a le marché carbone, mais il y en a tout un tas d'autres. Et en fait, c'est ce qu'on voit actuellement aujourd'hui. En gros, on parle plus des climato-sceptiques, c'est pas que ça existe plus, mais en gros ces gens-là, il y en a plus trop, quoi. Il y a pas, en France il y avait Claude Allègre, mais bon, on le voit plus, et donc maintenant c'est plus possible de nier cette réalité là et donc ce que vont faire les climato-sceptiques d'hier, ça va être de faire des propositions positive, constructive en matière d'écologie, et ça va être notamment sur les mécanismes de marché. Et donc c'est là qu'est la grosse arnaque que citait Catherine sur la neutralité carbone, qui est effectivement un truc qui est inscrit dans l'accord de Paris et qui est un truc qui a été dicté par ces lobbies. Et en gros, le truc qu'on est en train de découvrir, c'est que les puits de carbone, c'est pas simplement les forêts. Il y a eu déjà un accaparement sur les forêts ces 20 dernières années, et on découvre là en fait que vraiment la pompe à carbone de la planète, c'est les océans. Et donc c'est là-dessus qu'on est en train de on assiste à ça. Alors comment est-ce qu'on crée des produits financiers sur les océans? Ça tâtonne vraiment, c'est assez compliqué. De ce qu'on expliquait hier, c'est pas évident de faire rentrer du phytoplancton dans le marché carbone, mais il y a vraiment des gens qui planchent là-dessus. Et alors peut-être pas au One Ocean Summit, mais il y en a eu tout un tas, des sommets comme ça juste avant, des Ocean Business Summit, des machins comme ça, il y en a tous les quatre matins. Et c'est vraiment un discours qui se développe avec à la fois des chercheurs, à la fois des ONG, à la fois des gens issus de la finance. Et c'est comment faire rentrer, on prend le phytoplancton parce que le phytoplancton, il y a une espèce de d'euphorie financière autour du phytoplancton parce qu'on voit bien qu'il y a un énorme potentiel à financiariser ça. Comment est-ce qu'on fait rentrer? C'est quoi le phytoplancton? C'est c'est des microalgues d'origine végétale ou d'origine animale, qui sont à l'origine même de la vie marine et qui sont à la base de la chaîne alimentaire. S'il n'y a pas de plancton, il n'y a pas de poisson. Donc voilà. Et en gros, le phytoplancton, c'est la plus grosse masse organique qu'il y a dans les océans, c'est le phytoplancton, c'est quelque chose comme, je sais pas, 80-95%, et le reste, les petits pourcentages qui restent, c'est les poissons, les baleines, les dauphins, etc. quoi. Donc le phytoplancton a un rôle énorme de captation du CO2 et il rejette la moitié de l'oxygène présent sur Terre. Donc en fait, c'est quand on parle de poumon de la Terre, c'est pas tant l'Amazonie que le phytoplancton, quoi. Et donc voilà. Donc il y a des projets comme ça de financiarisation du phytoplancton. Et je crois qu'on touche à un point qui est essentiel. C'est au One Ocean Summit, ce qu'ils veulent, c'est protéger les océans. Et c'est vrai que ce que disait Catherine, la question, c'est pas cette protection des océans, on n'en veut pas. Et en fait, ce rôle, le rôle de c'est un rôle de paravent qui vise à détourner des vraies questions. L'enjeu, c'est pas de protéger les océans, c'est de réguler les activités humaines. Et donc je pense que la protection des océans, elle vient nous leurrer sur le fait que les réels enjeux environnementaux, ils sont pas sur la question des océans, mais sur la question de la régulation des activités humaines. Ok, bonjour. Merci pour ce week-end et pour ces échanges. On a fait plusieurs heures de route pour vous voir aujourd'hui et pour s'organiser ensemble. C'est un peu une remarque, plus une question par rapport aussi à hier. On a entendu beaucoup de mots, on a entendu les gens, les ONG, les multinationales, les lobbies, l'argent, la finance, les citoyens, Bolloré et citoyens aussi. Voilà. Et du coup, moi je me demande pourquoi aujourd'hui, et hier aussi, on n'entend pas les mots de bourgeoisie et de prolétariat. Je trouve que c'est des mots qui permettent de désigner des ennemis, mais plus important, de tisser des liens entre nous aussi. Et du coup, moi, c'est des mots que j'utilise quand je parle avec des amis, quand j'ai des bouquins. Et voilà, juste c'était pour dire ça, quoi. Et dans cet amphi, il y a aussi de nombreuses personnes qui ont une dépendance vitale à leur travail, qui sont obligées de vendre leur temps de travail pour vivre. Et donc, le prolétariat, n'est pas la classe ouvrière aujourd'hui, quoi. Voilà. Un, deux, un, deux. Ouais, c'est bon. Il faut répondre ? Ouais, alors, effectivement, comment dire, je suis assez habituée au fait que, après nos interventions, on nous taxe d'être négatif. Ok. Bon, alors, donc, très bien. Parce que c'est vrai que c'est plombant, et même pour moi, ce genre de travail. C'est vrai que j'ai pas de solution derrière à proposer, donc c'est encore plus plombant. J'y travaille, hein, mais bon. Donc, effectivement, lien, amour, solidarité, tout ça, c'est très bien. Alors, moi, mon intervention, qui va être plan-plan, parce que je suis pas scientifique, je connais un petit peu, mais je suis pas scientifique du tout. Et parmi nous, la centaine que nous sommes avertis, de fait, on découvre plein de choses par... merci beaucoup, vos expériences et votre militantisme, mais dehors, les gens ne savent rien de tout ça. Et pour exemple, hier, en sortant du train, je suis allée au Capucin, et puis c'était verrouillé de partout, on a dû faire le tour 40 fois pour pouvoir trouver une entrée, et j'étais précédée d'un couple brestois avec leur enfant, Et j'ai dit, ah, c'est peut-être des travaux pour l'océan, machin. J'ai pas dit l'océan, machin, mais voilà. Et le monsieur se posait la question, c'est quoi? Et la femme lui a répondu, et j'ai pas réussi, mais même gentiment, à leur faire comprendre, qui disait que c'était le salon de l'écologie, où il y avait des conférences présidées par monsieur Macron. Donc, un, ils habitent à Brest. Deux, ils connaissent quand même monsieur Macron depuis 5 ans. Et ils disent que c'est le salon de l'écologie. Donc, ça veut dire que dimanche, il faut effectivement se poser la question de nous avertis à minima, par rapport à vous, que dalle, hein, bien évidemment. Il va falloir, en plus de notre travail de sap de l'océan machin dont on parlait hier, qui est bien sûr le bienvenu, il va falloir aussi en informer, savoir dire aux gens pourquoi il y a un travail de sap, parce qu'ils savent pas, les gens. Voilà. Je vais reprendre. Vous m'entendez là? Oui. Je vais reprendre la question qui a été posée sur le manque de l'humain. Je fais partie de la CGT et on a publié un communiqué la semaine il y a 2 jours parce qu'on a constaté que aucun syndicat européen représentant quelconque organisation professionnelle, syndicat, etc., n'avait été invité, que l'humain était totalement absent de ce colloque, enfin de ce colloque de sommet ou de cette intronisation de Macron comme sauveur de l'océan, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un constat. Donc on participera à toutes les actions, en tant que syndicat en tout cas, toutes les actions qui seront programmées sur Brest à l'occasion de ce sommet. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, je voudrais dire... par rapport à ce qu'a dit Catherine tout à l'heure, et pour rejoindre le climat et les modes de consommation, il y a quand même un paradoxe à regarder le problème des batteries électriques. On va construire des batteries électriques pour faire des bagnoles, pour diminuer le carbone, en fait. Et en diminuant le carbone et en construisant des batteries électriques, eh bien, on va saloper le fond des océans, avec des conséquences totalement inconnues, dans un milieu qui est fragile. Tout ça pour... diminuer le carbone. La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que le mode de consommation qu'on a et le mode de transport qu'on a, est-ce qu'il faut autant de transport? Quel transport privilégier? Et en fait, là, on se pose pas tout de suite la question, on dit, on manque de terres rares, c'est la Chine, hop, je vais au fond de l'océan. Alors ça, c'est une question. Voilà. Pour revenir à ce qui a été dit aussi sur le changement climatique, il est faux de dire qu'il n'y a plus de climato-sceptiques. En fait, ce qui est plus grave pour moi en tant que scientifique, c'est que c'est la parole des scientifiques qui est remise en cause. C'est-à-dire que le climato-sceptique dans les chaînes Bolloré ou d'autres chaînes, il est comme les autres. On dit, il y a un désaccord sur le changement climatique. Il est admis qu'il y a un désaccord sur le changement climatique. On parle plus des climato-sceptiques qui étaient identifiés. En fait, maintenant, c'est la norme. Il y a un relativisme. Les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, exactement comme pour le Covid. Et ça me paraît extrêmement dangereux. Et puis, troisième remarque pour ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que des réunions comme celles qu'on fait là, elles sont vraiment importantes, mais qu'il faudrait que ça soit des coups de pied à suivre. Je pense qu'il y a un problème de communication. Je pense qu'il y aura quelque chose qui sortira peut-être des actes de nos réunions de ces jours-ci. Mais je pense qu'il y a tout un volet éducation populaire, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire éducation, et de reprendre un certain nombre de thèmes qui ont été évoqués ici, et de les travailler localement et aussi dans d'autres villes. Et au niveau international, pour pouvoir revenir armé par rapport à ça. Bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très claires. J'aurais une question pour... Alain, sur le déroulé historique que t'as fait tout à l'heure, tu parlais à un moment des directives volontaires sur la pêche artisanale qui avaient été élaborées par les pêcheurs et par la FAO. Et est-ce que tu pourrais préciser c'est quoi le contenu de ces directives volontaires sur la pêche artisanale? Est-ce que ces directives, elles concernent la protection des poissons ou est-ce qu'elles concernent plutôt la protection des pêcheurs ou bien les deux? Et enfin voilà, comment est-ce que ces problématiques s'articulent? Oui, le principe, c'est que Il y a d'abord la question de la définition de ce qu'est la pêche artisanale. C'est dans ce texte-là, il n'y a pas de définition générale. Il y a une définition très très générale, mais après, l'idée c'est que dans chaque situation, on définisse ce qu'est cette pêche artisanale. Alors c'est justement un débat qui peut être difficile. C'est un des points qui avait amené l'éclatement du forum en 2000 à l'Octudi. Mais bon, c'était pas forcément la question principale. La deuxième idée, c'est qu'il faut absolument respecter les droits des gens et que on ne peut prendre de décision sur l'avenir de cette pêche artisanale qu'en prenant en compte les droits de ces gens et aussi leurs responsabilités. C'est fondé sur ces deux principes-là. Après, il y a un troisième principe, c'est que on intègre la dimension, je disais, on parle aussi de dimension de genre, c'est-à-dire que on prend en compte l'ensemble des activités, celles qui sont les activités de capture, mais aussi les activités en amont, c'est-à-dire par exemple la préparation des filets, la construction des bateaux, etc. Tous ces gens qui sont autour de l'activité de capture elle-même, et surtout, bien sûr, parce que c'est fondamental, en particulier c'est vrai chez nous, mais c'est fondamental dans les pays du Sud. Hein, si vous regardez ce qui se passe en Afrique, en Inde ou ailleurs, c'est aujourd'hui ce qui est dramatique, par exemple au Sénégal. Je viens d'avoir là un contact avec un ami sénégalais qui me décrit la situation dans un port qui s'appelle le port de Kayar. Les femmes n'ont plus de poissons à travailler. Pourquoi? Parce que le poisson est livré à des usines de farine de poisson. Parce que notamment c'est la Turquie, mais aussi la Chine a développé des usines de farine de poisson sur tout le long de la côte d'Afrique de l'Ouest. Et c'est dramatique. On enlève le poisson de la bouche des gens, quoi. C'est dramatique parce que les femmes n'ont plus de poisson à travailler et c'est sidérant, quoi. Elles reçoivent du poisson pêché par les industriels chinois ou autres, hein, parce qu'ils ont pris le pavillon sénégalais, et ce poisson, il est amené à travailler par les femmes. Donc les femmes aujourd'hui qui avant travaillaient le poisson pris par les pêcheurs artisans du village, c'est quand même un gros village, hein, il y a 8000 pêcheurs, hein. Bon, c'est un petit village, nous, ça s'appelle un village. Eh bien, maintenant, elle travaille le poisson des bateaux industriels pour l'amener, non pas sur les marchés africains, mais sur les marchés européens. Bon, c'est pour ça qu'il est important de prendre en compte l'ensemble de la dimension de cette pêche artisanale. Et il y a vraiment des perversions terribles qui sont en train de se produire. Moi, je vous invite, je fais un peu de pub, hein, parce que j'ai été un des fondateurs avec le collectif, on a fondé le festival Pêcheurs du Monde. Et vous verrez là, il y a des films qui décrivent des situations aujourd'hui telles qu'elles sont vécues dans un certain nombre de pays qui sont absolument dramatiques. Et c'est très compliqué parce que, par exemple, il va y avoir un film qui explique qui est produit par ICSF d'ailleurs, et c'est un petit reportage qui est très intéressant sur l'impact du Covid. Quand il y a eu la question de l'impact du Covid a été terrible en Inde, hein, il y a beaucoup de leaders des pêcheurs qui sont morts, et donc les pêcheurs se sont battus pour obtenir un prix minimum. Alors qu'avant, il y avait le système de criée, etc., les pêcheurs se sont battus pour obtenir un prix minimum pour leurs poissons. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont pénalisées par ce système des prix qui garantit, les prix sont garantis pour les pêcheurs, mais du coup, les femmes, elles n'arrivent plus à s'y retrouver. Parce qu'avant, elles jouaient sur les variations de prix, elles arrivaient comme ça à tirer la faire du jeu. Donc, vous voyez, on a pris un problème, mais on n'a pas vu qu'on en avait créé un autre juste à côté et qui était supporté par les femmes. Donc, il faut toujours prendre, c'est cette idée que la pêche, c'est à prendre dans sa dimension globale. Mais vous pouvez trouver ces textes sur la FAO, hein, donc les textes de la FAO. Le festival, c'est fin mars. Hein. Excusez-moi, est-ce que je me permets de repréciser ce que... Enfin, je vous remercie pour votre réponse. Et je me demandais aussi, est-ce que des fois, la dimension de protection sociale des pêcheurs... Elle entre pas en contradiction avec des principes écologiques et enfin je me dis juste qu'il y a des moments où ça doit être difficile de faire la part des choses et je me demandais comment est-ce que c'était arbitré ou si vous aviez un peu des exemples éclairants. Oui, ça peut être contradictoire si on est dans une logique qui est une logique où on impose des choses comme c'est aujourd'hui ce qui est dramatique c'est bon ce qu'expliquait Catherine, c'est la mise en place de politiques qui sont, disons, autoritaires. Les plus inquiétantes, c'est notamment celles qui visent à créer des aires marines protégées. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on vous parle de la politique 30-30, hein, 30% d'aires marines protégées et d'aires protégées à terre. 30% d'aires marines protégées, en fait, derrière, c'est la visée. On va interdire la pêche. Aux États-Unis, le texte officiel sur ces 30%, il est aujourd'hui en discussion et il propose d'interdire la pêche dans 30% des zones économiques exclusives. Et il faut savoir que ils vont pas s'arrêter là parce que vous avez un monsieur qui a été payé largement par Pew pendant longtemps. J'ai vu le webinaire là il y a quelque temps, il s'appelle Enrique Sala. Lui, sa position, c'est de dire il faut mettre 50% des océans en réserve intégrale. Voilà. Donc, ils s'arrêteront jamais. Et en fait, derrière, il y a une autre vision qui est aussi celle de, finalement, la fin de la pêche. Ben, c'est tout le mouvement aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des entreprises qui sont en train de créer du poisson artificiel, comme on fait de la viande artificielle. Je viens de voir à Lorient un mec qui vient de chez Shepherd, qui est en train d'installer une épicerie végane, et dans cette épicerie végane, il dit « je vais vendre du poisson artificiel ». Voilà. Et pour rebondir sur comment est-ce qu'on contrebalance... en protégeant la pêche, est-ce qu'on condamne pas un peu les océans ? C'est pas ça condamner, mais tu dis comment tu fais la balance ? Entre protéger les pêcheurs et protéger les océans, bah, par exemple en Pays Bigoudin, la pêche pendant des années, elle a permis d'avoir une économie locale qui fait que la région, elle a une économie toute l'année et donc il y a des écoles et donc il y a des commerces et donc il y a des pharmacies et donc il y a des médecins et que quand on y habite à l'année, il y a de la vie quoi. Et avec le déclin de la pêche. Et l'advenue d'un tourisme de masse et avec la crise sanitaire de la multiplication des résidences secondaires, il y a un déséquilibre qui se fait. La pêche est en train malheureusement de disparaître, mais c'est l'industrie du tourisme et les résidences secondaires qui prennent le pas. Et en termes écologiques, les désastres sont aussi, ils sont moins visibles, ils sont moins parlés, ils sont moins politiquement portés, mais ils sont là de manière flagrante quoi, notamment via les stations d'épuration qui déversent, enfin qui sont pas faites pour avoir autant de monde l'été et qui du coup polluent. Et justement chez les conchyliculteurs, il y a un vrai problème parce qu'ils doivent fermer leur parc parce qu'il y a des flux de déchets qui viennent polluer leurs eaux. Après t'as l'érosion des dunes qui est multipliée par 10 avec les touristes. Il y a la crème solaire, enfin énormément de choses qui sont même pas encore tout à fait étudiées. Et donc la pêche, elle amène de l'économie, mais elle amène une culture, elle amène un patrimoine, Et par exemple, en Pays Bigoudin, bah, moi, je suis arrivée il y a 7 ans. L'ambiance est plutôt la même. Avant, il y avait une sorte d'ambiance de bout du monde. Aujourd'hui, quelque part, c'est un parc de loisirs, quoi. Et la pêche, elle amène ça aussi. Alors, effectivement, je suis pas en train de dire qu'il faut pas continuer à faire une pêche plus durable. C'est sûr qu'il faut continuer à la réguler. Mais il faut surtout pas toujours projeter les projecteurs au même endroit et remplacer la pêche par le tourisme. Je sais pas si c'est une bonne opération, quoi. Moi, je me permets vite de dire que cet après-midi, on voulait essayer de parler, de sortir de la binarité qui sépare l'écologie nécessairement des pêcheurs, comme on voit dans des modèles agricoles quand on parle des agriculteurs ou des éleveurs ou des paysans, et qu'on voulait aborder ça parce que on se fait hyper vite piéger dans le truc de l'écologie à la sauvegarde et la pêche à la destruction, et qu'il y a des modèles et des parties prises là-dedans qui prennent vraiment une défense de la mer et qui justement mettent en jeu cette écologie-là qui est déjà utilisée dans les mêmes termes des protections que dans les termes qui pourtant être utilisés dans la pêche aussi, quoi. Oui, j'avais une question relativement, d'ailleurs, je vais rejoindre ce qu'a dit, enfin, par rapport à ce qu'on a dit sur le camarade de la CGT sur la science, mais il y a un ouvrage, Les gardiens de la raison, je ne sais pas si vous connaissez, sur les agences de diffusion scientifique, et ma question c'est, est-ce que vous êtes confronté à un problème? Bon, moi, en tant que scientifique, j'ai découvert ça, c'est-à-dire qu'il y a des agences qui sont les intermédiaires, en gros, entre la production scientifique brute des scientifiques et puis les médias. Et qu'il y a une tendance à ce que ces agences, ben, filtrent et sont sous pression exactement des lobbies, hein, et ce bouquin que je conseille vraiment, Les gardiens de la raison, montre que la vraie science, justement, alors je reviens sur le Covid, hein, critique du relativisme scientifique, parce qu'il y a une vraie science qui sait ce qui est vrai, hein, et puis il y a les autres, c'est des complotistes, des relativistes. Hein. Notamment le Covid, c'est le discours qu'on a, hein, justement, je suis le camarade de la CGT qui a dit il faut critiquer le relativisme scientifique. Moi, en tant que scientifique, je ne suis pas relativiste, mais critique de la science officielle. Et justement, ce bouquin montre que on crée une science officielle, les gardiens de la raison, de la rationalité, qui est la vraie science, et derrière, ce sont des relativistes, ascientifiques. Et que ces agences de diffusion scientifique sont sous pression des lobbies, exactement. Et ce qui est intéressant sur le Covid, c'est que le CNRS a sorti au mois d'août un rapport éthique sur la science en disant « il faudrait en France une agence de diffusion scientifique pour arrêter, par exemple, qu'on dise n'importe quoi sur le Covid et qu'il y a la vraie science ». Voilà. Donc est-ce que vous, dans vos travaux, vous êtes retrouvés confrontés à cette pression, enfin, c'est une bifurcation dans les stratégies des trusts, hein. C'est ne plus créer le doute, c'est de créer la vraie science, être les porte-parole de la vraie science. Est-ce que vous êtes confronté à ces problèmes que ce que vous dites, vous, en fait, est critique de la science et relativiste et que la vraie science vous donne tort? Alors, rapidement, en fait, deux choses. La première, c'est que à l'issue des accords de Paris, donc je me suis appuyée sur les travaux d'un gars qui s'appelle Édouard Morena et qui me disait que les agences de communication des ONG, des multinationales sont les mêmes et qui s'appuient sur les mêmes savoir-faire. Et par exemple, à l'issue des accords de Paris, il y avait une pression sur les scientifiques qui était faite pour que tout le monde se réjouisse des accords de Paris. Et il n'y avait pas la possibilité pour des scientifiques... Alors là, je vois quelqu'un qui hoche de la tête, notre camarade cégétiste... Et donc, j'ai les référents, je me souviens plus de la page, mais c'est Hervé Standing, vous connaissez visiblement, qui est scientifique en Écosse, et qui disait que lui, il n'était pas du tout d'accord avec notamment la neutralité carbone, et que sa voix était écartée, et qu'il y avait des agents de communication qui disaient si vous ne pouvez pas et vous n'avez pas à vous exprimer négativement sur ce qui se passe, on doit collectivement s'y réjouir. Et donc, Édouard Morena, il dit, dans son bouquin sur les fondations, il dit, c'était une victoire, non pas de l'écologie, mais une victoire des fondations. Des fondations qui défendent le modèle capitaliste. Mais je vous invite à le lire. Et deuxième part de ma réponse, c'est qu'effectivement, ce qui est assez compliqué, notamment avec ce livre-là, c'est que quand moi, je pars de la pêche pour décrypter un phénomène qui est l'influence du monde industriel sur la politique climatique, mais les gens, ils s'arrêtent à la pêche, notamment des journalistes. Et il n'y a pas... Il y a deux problèmes. Il y a le problème du financement, dont on va sûrement parler à Alain. Il y a le problème de la... Alors, moi, je ne suis pas du tout complotiste. Moi, je pense que l'être humain suit généralement le mouvement majoritaire et il y a beaucoup d'autocensure. C'est-à-dire que quand on a un discours qui est minoritaire, eh ben, on est considéré comme étant militant. Mais ce qui est assez drôle, c'est que quand on écoute toutes les chaînes de radio, c'est le discours libéral qui est majoritaire, et jamais on va dire qu'ils sont militants. Alors que leurs valeurs, leurs principes et toute leur idéologie, elle est empreinte de, bah justement, d'idéologie, quoi, mais libérale. Et comme elle est libérale, eh ben, quelque part, elle est neutre. Et quand on a un autre discours, eh ben, on est militant. Et c'est là où il y a un problème d'autocensure de l'autre côté, en disant, bah, attends, elle raconte des trucs que, non, bah, alors, donc, c'est une militante, laisse tomber, quoi. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Oui, c'est un vrai problème aujourd'hui que cette manipulation de la recherche scientifique. J'ai cité Tom Watten là, hein, et il dit nous on oriente la recherche scientifique. Alors ça veut pas dire que cette recherche scientifique est mauvaise, mais elle est orientée et elle devient comme elle est ensuite valorisée, pilotée par des agences de communication qui vont simplifier le discours, notamment pour les journalistes. Ce qui est frappant, c'est qu'avant chaque grande conférence internationale, grande décision, etc., vous avez un rapport choc qui va sortir. Et puis, vous allez avoir dans la presse, partout, dans tous les médias, et vous allez avoir la même analyse sans absolument aucun regard, je dirais, de distancié ou critique. Ça veut pas dire que ce qui est dit est faux. Je vais vous prendre un exemple. Il y a eu un rapport qui est sorti début décembre. C'est pas un hasard, hein, que ça sort quoi à ce moment-là. Qui a dit que le chalutage était responsable d'émissions de carbone le double de ce que représentait le transport aérien. Le transport aérien, c'est 2%. Donc le chalutage, c'était 4%. Mais personne n'a émis la moindre questionnement par rapport à ça. Or, il y a d'autres chercheurs qui, eux, ont réfléchi sur cette question. C'est un vrai problème, hein. Bon. Mais qui disent, on peut pas arriver à un chiffre comme celui-là. Et si on arrive à un chiffre comme celui-là, c'est parce qu'on a manipulé, en tout cas qu'on a évacué un certain nombre de choses. Donc je rentre pas dans le détail, hein. Je pourrais renvoyer aux références, mais c'est, vous voyez comment, et c'est important parce que cet article-là est l'article qui a été dans Le Monde le plus cité sur tous les articles concernant les océans, statistiquement, parce que évidemment c'est un article choc. Mais il pose une vraie question. Mais après, il y a aussi de la recherche scientifique qui permet d'avoir une discussion. Mais on sait très bien qu'est-ce qu'il y a derrière. Derrière, c'est, faut savoir, hein, il y a aujourd'hui des gens, ils sont au WWF, ils sont à Pew, ils sont à TNC, ils sont ailleurs. Leur visée, c'est, je vous l'ai dit, c'est 50% des océans sans pêche. Éliminer le maximum de pêche. Et, en particulier, bon, vous les voyez, ils s'attaquent au chalut. Bon, on peut trouver des arguments, hein. Bon, ils s'attaquent à la drague. Ils s'attaquent au filet. Ils s'attaquent à la palangre. Grosso modo, comme dit, monsieur Sea Shepherd, la Paul Watson, je vous laisse le droit de ramasser des bigorneaux, quoi. Parce que c'est à la main. Hein. Donc. C'est ça la vision qu'il y a des gens qui ont cette visée-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde, et ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans ces ONG ont tous cette vision-là, mais il y a des gens qui ont des stratégies pour cela. Et je vous signale quand même une chose, c'est que dans la Convention citoyenne sur le climat, il y a quelque chose qui, moi, m'a turlupiné. C'est intéressant la démarche citoyenne sur Convention citoyenne sur le climat. Mais quand vous trouvez que dans la question sur les océans, on vous dit, il faut envisager la fin de la pêche pour développer l'aquaculture. D'où ça vient, ça? C'est pas, ça veut dire qu'il y a des mouvements de fond qui sont construits, poussés et qui vont dans ce sens-là. Bon. Heureusement qu'il y a aussi de la résistance. Moi, j'ai essayé de montrer que tout n'est pas joué d'avance, hein, et que s'il y a des, mouvements sociaux qui font que ben il y a de la résistance, et puis il faut bien que les gens vivent aussi, donc voilà. Mais je crois que la situation aujourd'hui est, pour l'avenir de la pêche est vraiment très grave. Bonjour, Annie Le Guillot pour l'association Alto Marée Verte. Nous venons de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. J'ai été très intéressée par le développement de Madame Catherine Le Gall sur ce qui est en train de se mettre en place, donc cette récupération par les entreprises, les grands lobbies, ce hold-up, comme vous dites, sur le discours écologique et climatique, de façon à faire des propositions qui soient compatibles avec le business. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement, ce que vous décrivez comme... enfin, ce que je ne connaissais pas, parce qu'en en dépit du nom de notre association, c'est vrai qu'on est investi dans le combat contre l'agriculture industrielle. Et ce qui démarre là au niveau des océans, on l'a déjà vu à l'œuvre depuis quelques dizaines d'années sur Terre, où ce sont aussi les pollueurs qui ont fait la réglementation. C'est-à-dire que c'est le monde agricole s'est emparé évidemment de cette question de la pollution par les nitrates. D'abord, elle a fait en sorte que l'attention et les débats se focalisent uniquement sur les nitrates, qu'on ne parle pas de pesticides, de bien d'autres impacts de l'agriculture. Je vous renvoie au livre de Magali Bourblanc qui s'appelle l'agriculture à l'épreuve de l'environnement, 30 ans de lutte pour la qualité de l'eau en Bretagne. On a tricoté une fine dentelle réglementaire pour prétendument maîtriser les fuites d'azote, après tous ces plans d'action régionaux nitrates, plan PMPOA, plan algues vertes, etc., on est arrivé au bout du bout de ce qui était possible de faire dans le cadre du système industriel, puisque depuis 2015, les taux de nitrate ne baissent plus dans les rivières en Bretagne. Donc aujourd'hui, pour avancer, il va vraiment falloir remettre en cause le système, et c'est là qu'on est au pied du mur, parce que tout ce qui a été fait depuis 30 ans pour la qualité de l'eau en Bretagne, c'est vraiment avec la complicité, avec le main dans la main avec le lobby agricole, avec des choses très compliquées et absolument inapplicables, et tous ces plans se révèlent aujourd'hui être un leurre. Donc voilà, c'est juste que sur Terre, on a ce que vous êtes en train de décrire, eh bien ça a démarré il y a 30 ou 40 ans, et on a les mêmes phénomènes aussi de soi-disant experts qui sont chargés là de faire des contre-expertises pour nous expliquer que les nitrates c'est pas dangereux pour la santé et que de toute façon ça ne vient pas du monde agricole, etc. C'est Buzon avec son institut de l'environnement, etc. Donc voilà. C'était un témoignage pour dire qu'on reproduit au niveau pour ce qui concerne les maires une démarche qu'on connaît déjà sur Terre avec ce qui se passe en Bretagne avec l'agriculture, la qualité de l'eau notamment. C'est pas personnellement, mais vous invite de temps en temps de regarder aussi le programme parce que c'est un sujet dans lequel on va parler cet après-midi. C'est très bien, mais parce qu'il y a des propositions pour qui vont parler des bassins versants et de la lutte quotidienne des conchyliculteurs et des paysans pour des changements d'aile de l'eau qui sont l'impact principal. C'est pour ça qu'on a invité François Périgné pour en parler cet après-midi. Bonjour, Thibaut de Pleine Mer. Merci à tous les deux pour vos interventions. Alain, je voulais te remercier particulièrement d'avoir insister sur la différence entre les différents types d'ONG, parce que je pense que pour beaucoup d'assos, c'est souvent la peur quand on voit ces discours-là, c'est de se faire assimiler en fait à des ONG qui sont libérales. Donc je rejoins un peu le camarade tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment un discours qu'on politique en fait, et dans le livre de Catherine, c'est la même chose. Le problème, c'est les ONG ultra libérales quoi. Après, quelque part, Pleine Mer, c'est aussi une ONG. Bon. Je voulais juste revenir sur deux trois trucs sur les AMP. Je pense que de toute façon tu sais qu'on n'est pas trop d'accord là-dessus. Je pense qu'il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain quoi. C'est-à-dire que les AMP c'est les aires marines protégées. Je pense qu'il y a en effet un souci dans plein de pays d'accaparement des océans à cause des aires marines protégées. Je l'ai vécu en Afrique du Sud, en Indonésie, etc. En Inde aussi. Après, en France, moi, je vois un peu les pêcheurs qui vivent aux endroits où il y a les réserves, que ce soit le parc marin d'Iroise ou, par exemple, les réserves en Méditerranée. Il y a une réserve intégrale à Banyuls, par exemple. Les pêcheurs à côté, ils ont jamais pêché autant, quoi. Donc bon, c'est quand même... Il y a quand même une utilité de ces réserves-là, et c'est quand même voilà, intéressant. Mais en effet, quand les pêcheurs sont investis dans la gouvernance, quoi. Voilà. Moi, j'avais je suis d'accord sur ce point. Hein. Oui, oui, mais je trouvais ça important de le préciser quand même, parce qu'on a bien tapé sur les AMP, et en fait, il y a plein d'AMP qui font un super boulot, donc je trouvais ça important de le préciser. Juste pour te dire quand même que le problème des AMP, c'est que si tu les prends comme unique outil, en tout cas comme outil principal pour protéger les océans, comme par exemple le fait Emmanuel Macron, t'as un petit problème quand même, puisque 80% de la pollution venant de terre, tu ne règles pas ce problème-là. Et t'as pas mal de scientifiques qui disent aussi, pour rejoindre le discours sur la science, que les poissons, ils se baladent, donc... par exemple, le problème du phytoplancton reste... voilà, ok, c'est ce que tu veux. Je vais y revenir justement, parce que c'est un truc qui m'a vachement intéressé dans le livre et qui en même temps m'a aussi posé problème. Parce qu'en fait, bon, moi j'ai embarqué à Pinmar, et enfin à Saint-Gué, j'ai embarqué au Guil sur des chalutiers auturiers, et en fait je savais pas du tout ce chose que tu décris dans ton livre de tulipes en fait, et de pollution hyper intensive sur la pointe, quoi. Donc ça m'a énormément intéressé, mais je trouve faut quand même rester hyper attentif, c'est-à-dire que le plancton, il y a une régulation bottom-up dans les écosystèmes marins. Et donc, si tu impactes le plancton, tu vas impacter toute la chaîne alimentaire. Ok, c'est vrai. Il y a énormément de pollution qui vient de la terre. C'est complètement vrai. La dame l'a rappelé tout à l'heure avec les nitrates. Mais ça n'enlève pas qu'il y a aussi une surpêche et que le phénomène de la surpêche existe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas braquer le projecteur en effet en permanence sur les pêcheurs, mais il ne faut pas non plus les dédouaner de leur impact sur l'environnement parce que il y a de la pollution et que ça impacte le plancton, quoi. Mais ça, c'est quand même drôle, parce que dans le bouquin, je passe mon temps à dire que je défends pas, enfin, je veux dire que je reconnais la surpêche. Je cite même des chiffres de l'IPBES. Ouais. Bah, c'est important, ils sont là, je discute. Non? Vas-y. Hein. Ouais. Des chiffres de l'IPBES qui expliquent effectivement que la pêche est responsable de plus de 50% des problèmes sur les stocks des poissons, dont la pêche artisanale. Je vois que vous parlez ensemble, peut-être que c'est bon. Ok. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il faut continuer à protéger les océans de la surpêche, notamment la surpêche asiatique. Mais ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas... Enfin, je veux dire, là, par exemple, quand on parle de campagne de communication avant le One Ocean Summit, c'est qui ? Là, c'est Sea Shepherd qui va montrer que, effectivement, la surpêche, la fabrication de surimi, le fait qu'ils rejettent soi-disant du merlan, bon, très bien, ok, mais très bien, parlons de ça, mais c'est le problème, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et à un moment donné, il faut parler d'autre chose. Ouais, mais justement, en fait, ces bateaux-là, c'est les pêcheurs, moi je les connais, hein, les pêcheurs qui ont amené Sea Shepherd à travailler sur le sujet des chalutiers géants dont je parlais tout à l'heure, c'est les pêcheurs de pleine mer, d'accord ? Et donc, c'est les pêcheurs de pleine mer qui sont allés voir Sea Shepherd et qui leur ont dit, c'est bien de s'intéresser aux dauphins et à la pêche artisanale, mais allez voir ce que font les industriels. Et en fait, moi, je pense qu'on peut critiquer une association quand on n'est pas d'accord avec elle, mais moi, je suis ravi qu'avec les moyens qu'ils ont, Sea Shepherd, ils aient regardé ce que font les chalutiers géants et qu'ils nous aient expliqué ce problème de surpêche de ces bateaux. Enfin, le Margerry, c'est 146 mètres, ouais, quoi. Le problème, on va pas défendre ça, je veux dire, à un moment donné... Non, mais c'est sûr, mais de toute façon, comment dire, ils ont une force de communication et des moyens qui vont faire qu'ils vont avoir un gros impact. Et effectivement, moi aussi, je connais pas mal de pêcheurs... qui sont très contents que Sea Shepherd dénonce notamment la surpêche sur le thon. Mais le truc, c'est que du coup, bah, le débat, il va porter sur quoi ? Je veux dire, évidemment, il faut remettre en question les bateaux-usines. Mais justement, il faut aller plus loin. On a compris ça. Il faut aller plus loin. Enfin, on a compris qu'il faut encore continuer à agir. Mais là, du coup, ça fait réagir le commissaire européen, ça fait réagir la ministre, ça fait réagir... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, en fait, j'entends ce que tu veux dire. Dernier truc, après je me tais. Il y a une sorte de monopolisation du débat là-dessus, c'est ça que moi, je trouve dommage. Mais en fait, si tu veux, moi, ce que je trouve important, tu vois, dans ton livre, tu critiques beaucoup Bloom. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec les premières pages, hein, je te cache pas. Tu défonces Bloom de manière quand même assez, assez forte. C'est intéressant. Moi, je trouve ça bien qu'on remette en question ces ONG-là et leur financement. Mais en fait, quand tu... Si tu veux, pour le tome 2 du livre, je t'invite à aller dans les Hauts-de-France, je t'invite à aller en Normandie. Il y a des pêcheurs qui ont, enfin, dans les Hauts-de-France, tous les bateaux ont un drapeau Bloom sur leur bateau. Parce que ils ont lutté ensemble contre la pêche électrique, ils ont gagné et la pêche électrique, ça a failli tuer la pêche dans la Manche. Donc en fait, le Guilvinec, c'est cool. Moi, j'adore aller là-bas. C'est le plus gros port de pêche artisanale en France. Mais il faut aller dans les Hauts-de-France. Il faut aller voir les alliances entre pêcheurs et ONG. Et moi, mon boulot, c'est d'essayer de relier les écolos et les pêcheurs. Et en fait, je pense que des fois, c'est contre-productif de taper sur toutes les ONG. Voilà, ça, je trouvais important de le dire. Merci. Juste un point concernant Sea Shepherd. Sea Shepherd peut mettre le doigt sur des réels problèmes, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que Sea Shepherd veut la fin de la pêche. Voilà. Et que donc, c'est un peu dangereux de se mettre dans le sillage d'une organisation comme celle-là. Voilà. Ouais. Mais je suis entièrement d'accord, on peut aller plus loin, donc on va aller plus loin. Et moi, j'ai une première remarque et une question. Ça fait 2h15 maintenant qu'on parle de libéralisme, de capitalisme. En fait, ça change quoi si c'est l'État qui prend ça en charge? Ben, je veux dire, l'exploitation des océans par Total ou par la Marine nationale, pour moi, c'est la même saloperie. Donc ça, c'est le premier truc à dire. Deuxièmement, c'est que si vraiment le problème, c'était le libéralisme ou le capitalisme, on l'aurait pas fait à Brest, le One Ocean Summit. On l'aurait fait à La Défense. Et à Brest, pourquoi? Parce qu'il y a l'Ifremer, parce qu'il y a le CHUM, parce qu'il y a la Marine nationale. Et tout ça, c'est l'État et c'est ici. Voilà. Donc tous ces gens qui bossent à l'Ifremer, au CNRS, au CHUM, les scientifiques, ils sont autant responsables que les prolos du chantier naval, là où vous êtes passé devant le port, là, il y a trois énormes paquebots qui sont remis en branle par des prolétaires et eux aussi nous pourrissent la vie. Oui, et ils se font exploiter. Donc, non mais je veux dire, on veut aller plus loin et au moment où on va plus loin, où on dit que les responsables, c'est les prolos et les scientifiques, ils le sont tout autant que les pêcheurs. Ah ben là, on voit que ça chuchote. Donc moi, je veux une proposition, c'est on ferme les chantiers navals, on ferme l'Ifremer et on libère Linglong des sous-marins. Et ici, là, on peut le dire. Déjà, on peut le dire. Moi, l'Inde, j'irai jamais foutre les pieds à l'Inde, j'ai passé l'âge d'y aller. Par contre, j'habite ici. Et je me rends compte que le problème ici, dans la rade, c'est pas la pêche. Oui, mais bon, on peut toujours rêver de prendre des décisions aussi radicales que celle-là. Moi, j'ai essayé. Oui, on peut. De l'Ifremer, du CHUM, de la Marine nationale, des scientifiques, elle est aussi importante, et des ouvriers des chantiers navals. Ces gens-là, la responsabilité est aussi importante que celle des pêcheurs. Compris que c'était quand même. Les grands trusts financiers vivent des complices. Oui, alors en fait, tous ceux qui écoutent la radio, la télé sont complices. Non, mais attends. Oui, d'accord. Non, mais. Qui fabrique les bateaux, c'est lui qui fait la porte, qui élabore, le moteur, qui élabore le radar, qui fabrique le bateau. Ces gens-là sont aussi complices que l'ONG qui est résiduelle. Mais ça nous va bien quand on habite Brest et qu'on bosse. À la fac, au CNRS, ça nous va bien de dire c'est pas ma faute, c'est la faute de l'ONG. Voilà. Oui. Ben, il y a toujours un problème. C'est moi, j'ai pris ma voiture pour venir ici. C'est... Ouais, s'il vous plaît, là. Excusez-moi. Excuse-moi, je vais faire un putsch de parole. Tu vois, je vais prendre la parole. Ouais, moi j'avais juste. Non, mais c'était juste. Garde le micro. C'était juste pour dire que. Pour répondre à l'État, qui est une question que je me suis posée aussi. Moi je trouve que là-dedans, la responsabilité de l'État, c'est de ne pas être suffisamment fort. Et de ne pas continuer justement, comme dans les années 70, à avoir une réglementation des activités, notamment polluantes. Et que donc, en fait, c'est ce que je dis dans mon bouquin, on ne peut pas. reprocher au secteur privé d'être privé et de vouloir faire du profit, c'est dans leur ADN. Le problème, c'est qu'on les laisse faire. Et que donc, effectivement, ça renvoie à la position de l'État. Moi, j'avais une question plutôt qu'une remarque. C'était en introduction avant vos exposés, l'exploitation des ressources minières sous-marines a été évoquée. Et c'est vrai qu'on entend souvent parler, mais j'ai du mal à me représenter de l'urgence ou des échéances auxquelles ces projets pourraient se réaliser. Donc, je me demandais si vous aviez une idée de du niveau de concrétisation en fait de cette exploitation. Les outils sont prêts. Il y a une expérience qui a été faite qui a commencé au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec c'est des grandes entreprises canadiennes hein, qui sont en général très impliquées dans les exploitations minières et donc c'est commencé. Alors il y a des réglages, mais on est dans le processus aujourd'hui on commence le processus de mise en œuvre et il faut savoir que la France est très concernée parce que c'est dans les zones qui sont françaises, qui sont des eaux françaises, qu'il y a des ressources importantes. Une des zones importantes, c'est la zone de Clarion-Clipperton. Alors il y a des ressources extraordinaires là. Hein. Et ce qui est étonnant, c'est de voir par exemple que je vous citais, je crois que c'est avec Kiribati. Le Kiribati avait créé une immense zone air marine protégée interdite à la pêche et curieusement ils avaient créé une entreprise ils avaient obtenu un permis d'exploration sur la zone de Clarion-Clipperton. Alors Kiribati c'est 100 000 habitants, c'est pas des gens qui ont les moyens d'aller exploiter les minerais et même faire des recherches. En fait, c'était une entreprise canadienne qui. C'est là qu'on voit la perversité du système, quoi. On vous vend la protection des océans et derrière, vous avez une entreprise minière qui obtient des droits d'exploration préparatoires à des droits d'exploitation sur des zones minières. Voilà. Il y a 26 permis d'exploration qui ont été demandés à l'AIUFM, qui est l'agence internationale qui est chargée et d'accorder les permis et de protéger les fonds marins. Donc là, c'est pareil, il y a une sorte de dichotomie qui n'est pas spécialement facile à comprendre. Et pour l'instant, de ce que j'ai lu récemment, il y a deux entreprises qui ont commencé à explorer... de manière factuelle, enfin je veux dire qu'il est allé au fond de la mer pour voir les nodules polymétalliques, mais pour l'instant il n'y a pas encore d'exploitation pardon parce que c'est très cher et qu'ils ont du mal à trouver la balance entre les bénéfices et les coûts que ça suppose, donc ils ont du mal à trouver des financements. Mais il y a déjà 26 permis dont la majorité a été déposée dans la région de Clarion-Clipperton justement. On prend une dernière question et après on fait un petit point logistique pour la cantine et tout. Je vais prendre une autre casquette que celle que j'avais tout à l'heure. J'étais le responsable scientifique de l'Agence des aires marines protégées tant qu'elle existait. Et puis je vais vous mettre au courant de l'actualité et du fameux en même temps macronien. On va prendre le parc de la mer de Corail. C'est un parc marin autour de la Nouvelle-Calédonie et le en même temps il est celui-là. Donc c'est un parc marin avec une gestion qui devrait être établie, mais qui est basée sur des bases sur la biodiversité. On connaît aussi la nature des fonds, ça peut sentir très fort le pétrole dans le sud-ouest de cette zone. Mais là, la France est intéressée par l'exploration, voire l'exploitation. Et donc qu'est-ce qui est envisagé par Castex dans sa circulaire de mai 2021? C'est trois zones d'exploitation. Et une est en plein milieu du parc de Nouvelle-Calédonie. Donc, en fait, pour revenir aux chiffres, on peut très bien mettre, je sais pas, 90%. En fait, une exploitation sous-marine, ça va être une zone de très faible ampleur. C'est comme pour le dragage coquillé ou des sables, ça fait quelques kilomètres carrés. Par contre, l'impact, il peut être beaucoup plus vaste. Donc en fait, il peut déclarer qu'il va mettre le parc naturel marin de Nouvelle-Calédonie en protection forte, sauf, allez, 10 ou 20 km carrés où on fera un test d'exploitation. Et c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc protection forte, en même temps, le en même temps macronien, eh ben c'est une zone test d'exploitation. Pour donner une idée du problème qui se pose sur l'exploitation des ressources minérales grand fond, c'est que les expériences qui avaient été faites sur le ramassage dans les années 70 sur les nodules montrent 40 ans après que les traces sont encore visibles et que le milieu n'a pas récupéré. C'est-à-dire que sa résilience, sa capacité à retrouver son fonctionnement habituel, ben 30 ou 40 ans après, il l'a toujours pas trouvé. Et ça, c'est des données de l'IFREMER. Ouais, c'est l'heure de manger, voilà. parce qu'on a des horaires à respecter, parce qu'il y a d'autres choses derrière. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est qu'il y a un repas, je crois que c'est du homard ou quelque chose comme ça, à l'avenir. Homard, caviar, et on fait un convoi collectif à pied, puis on se retrouve, je sais plus à quelle heure. Et puis surtout, merci à Catherine, merci à Alain, et merci aux questions pertinentes qui ont été posées. Les Shadok, pompaient, ils pompaient le matin, ils pompaient l'après-midi, ils pompaient le soir, et quand ils ne pompaient pas, ils rêvaient qu'ils pompaient. Ils pompaient dans la joie, ils pompaient dans l'allégresse, mais pour le moment, dans le vide.